Les blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité. Le blanc va être une vieille chose dépassée et qu'il y aura métissage puis disparition, mais et c'est ainsi. Ce que vous appelez papier, c'est fait à partir du bois que vous avez volé en Afrique. Vous comprenez? Donc, normalement, ces papiers-là, c'est le droit des Africains. Le suspect a dit qu'il était dérangé par les blancs. Il a dit qu'il voulait tuer des blancs, particulièrement des officiers blancs. L'Europe a besoin de migrants. Elle en a besoin de façon vitale pour payer les retraites de ceux qui travaillent. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lancé un programme expulser 40 000 migrants en situation irrégulière. Ces derniers ont jusqu'à la fin mars pour quitter Israël, faute de quoi ils seront emprisonnés. On appelle ça l'altruisme intéressé. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 4, épisode 33. Alors, je procède au rappel traditionnel de notre émission. Vous pouvez nous contacter sur notre adresse email démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie@protonmail.com. Je répète, démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie@protonmail.com. Vous pouvez aussi nous soutenir en nous faisant des dons par crypto-monnaie exclusivement en utilisant la crypto-monnaie Monero. Tout est expliqué sur le site. Alors, comme vous avez pu l'observer, le site, au moment où on enregistre cette émission, c'est-à-dire dimanche 18 août, est temporairement indisponible. C'est en cours de traitement. Les raisons seront expliquées, bon voilà. Et donc tout est spécifié pour ce qui concerne donc les dons en crypto-monnaie, comment le faire. C'est grâce à vous qu'on peut continuer ce qu'on fait. Donc si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas. Voilà. Est-ce que j'ai procédé? Oui, la section commentaires. Alors comme vous avez aussi observé, enfin quand le site était fonctionnait en point club. Donc normalement, je le précise tout de suite aussi, tant que j'y suis, le futur nom de domaine sera en .tw, démocratie participative, comme avant, hein, en un seul mot, pour le point .club, le point .online ou le point .biz. Là, ce sera en .tw, démocratie participative, .tw. Donc vous pouvez déjà le noter et vous y reporter pour voir si le site est en ligne. Voilà. Donc faites-le savoir autour de vous pour que ça se sache et que les lecteurs puissent venir sur le site. Donc il y aura une explication, comme j'ai dit, sur les raisons du blocage du nom de domaine. Et alors, quand le site était encore en ligne, il y avait bien sûr 8chan, mais 8chan est temporairement indisponible aussi, car pareil, en fait, hein, c'est un peu les mêmes circonstances, c'est toujours la pression et la censure, hein, tout simplement. Donc 8chan devrait normalement revenir en septembre, mais c'est encore à vérifier à ce moment-là. Et en attendant, on réfléchit à des alternatives pour permettre aux gens, aux lecteurs, de commenter tout simplement les articles. Donc il faut une alternative qui permette de ne pas être censuré ou de ne pas avoir son adresse IP compromise. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas les recommandations que nous vous avons faites, à savoir utiliser, recourez à Tor, hein, le logiciel Tor, et n'oubliez pas d'avoir un VPN pour anonymiser votre adresse IP. Très important, Tor et VPN. Voilà. Maintenant que j'ai procédé à ces rappels techniques, un petit peu rébarbatifs, mais enfin, j'y suis contraint, je vais présenter notre équipe estivale de cette semaine. Je commence d'emblée avec MacDav, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Salut MacDav. Salut Gandalf. Salut à tous, les amis. Et avec nous aussi, bien sûr, cette semaine, Fulbert. Salut Fulb. Bonjour Gandalf et bonjour à tous. Et enfin, Derek nous fait aussi le plaisir d'être là, comme chaque semaine. Salut Derek. Salut Gandalf, salut tout le monde, et loué soit l'éternel. Loué soit l'éternel. Alors, Avant de commencer l'émission à proprement parler, je vais aussi rappeler les dons que nous avons reçus, des donateurs qui ont voulu nous spécifier avoir procédé à un soutien financier pour notre site. Premier don, malheureusement, j'ai pas de surnom, donc la personne, j'espère, se reconnaîtra, qui nous dit « Je viens de vous faire un don de 0,19 Monero, l'équivalent de 14,88 €. Cordialement, merci beaucoup à vous. Malheureusement, j'ai pas de surnom, donc je peux pas être plus précis, mais je pense que la personne se reconnaîtra. Nous avons un deuxième don. Bonsoir Gandalf, un don de 1,16 Monero devrait arriver sous peu. Au moins, ce que je donne à DP ne tombera pas aux mains des financiers. Haineusement, c'est signé Salade de fruits. Merci beaucoup, Salade. Don numéro 3, alors on a un message un peu plus élaboré, qui concerne notamment Derek. Alors bonjour à toute l'équipe, fidèle auditeur depuis la première heure, je vous informe de ma modeste contribution d'une valeur de 50 €, malgré ma condition de chômeur participatif au RSA. Bah justement, gagner finalement assez peu en étant dans une situation de précarité temporaire, c'est d'autant plus apprécié. Quand ma situation économique sera plus clémente, je renouvellerai mon Noble, celle-ci en vue de financer la cure de désintoxication du camarade Derek et son addiction au braise bashing. Alors braise voulant dire Bretagne, hein, en breton. Cette pathologie, si elle n'est pas traitée à temps, peut muter en anti-celticisme qui entraîne une indifférenciation entre les différentes couleurs de celtes. Le patient se met à nier les 6 millions de Quinyaman enfourné par ces cruels bretons, ainsi que ces millions de sarrasins exterminés sous forme de crêpes. Dans les cas les plus graves, le malade sombre dans la folie et demande à se convertir au judaïsme. Si notre Marseillais munichois se laisse pousser des papillotes, commence à porter des chapeaux bizarres et se secoue la tête devant les murs, il n'y a pas une minute à perdre. La seule médication connue est un vieux remède druidique à base de patchs imbibés de chouchène collés sur le fessier du patient en souffrance. Je sais que l'état alarmant de notre négrologue peut sembler désespéré, mais un traitement de choc devrait le remettre sur pied. N'oubliez pas, cher camarade Derek, avouez qu'on a un problème, c'est déjà un pas vers la guérison. J'en appelle à tous les démocrates participatifs, à vos shekels, à vos sesters. Je sais qu'il va nous coûter une fortune en patch, mais n'oubliez pas que le brace bashing tue. Alors venez en aide au Derrickton. Loué soit l'éther nègre, longue vie à démocratie participative. Kenavo, Avechal, colère de Brest. Et ça, c'est Laurent qui nous écrivait. Alors, il y a une réaction bretonne là, Derek, qu'est-ce qui se passe? Tu as mécontenté des gens? Ah, je ne sais pas, écoute, apparemment. Un front hisprano-breton va se former là. Ouais, oui, bon, ça me dérangerait moins de ce côté-là, mais non, mais bon, les bretons, pourtant, sont quand même des fidèles de mon église, hein, ce sont des fidèles assidus, de zélés, hein, ils sont là tout le temps, hein. Les négrolâtres. On rate jamais l'office. Ah oui, la négrolâtrie, ce sont des adeptes. Hein. Ce sont des adeptes fidèles et sérieux. On a pu apprécier le festival interceltique là récemment. Oh là là, oui. Peut-être une de tes chorales. Ah ouais, c'était vraiment. Donc ça se passait à Lorient, je décris quand même pour nos auditeurs, parce que sinon ça va revêtir un caractère un peu de private joke. Alors en fait, c'est au Festival Interceltique de Lorient, il y a une parade. Alors la parade, ce sont en fait les bagadous qui défilent. Donc les bagadous, ce sont en fait les groupes de musique traditionnelle bretonne, hein, qui défilent, comme vous le savez, avec des cornemuses, etc. Tout ça est d'habitude très très bien, il n'y a pas de problème. Mais cette année, ils étaient devancés par 4 joueurs de tam-tam de je ne sais où, en Afrique. Et ça s'appelle des prêtres, hein. C'est des prêtres de l'église, voilà. Hein, voilà. Qui répandent la parole de Dieu. C'est ça, et donc en fait, le festival interceltique était une espèce d'horrible soupe déjà en voie de négrification. Alors bon, voilà, le ton était donné, et ça fait ton sur ton avec ce que tu dis d'habitude de certains pratiquants de ton église, voilà. Donc, oui. Donc voilà, donc bon, oui, non, bah, ce que dit notre auditeur. C'est gentil ouais, avec les Bretons. Il est gentil avec les Bretons, effectivement. Mais oui, non, mais il y a une vraie pathologie négrophile en Bretagne, hein, tout à fait. Hein, pas tellement une pathologie, d'ailleurs, islamophile, hein. Il n'y a pas vraiment une, il y a pas vraiment d'appétence pour l'islam en Bretagne, je le ressens c'est pas. Vrai. Par contre, l'amour du nègre. Ah, c'est l'amour du nègre, mais vraiment l'amour maternel, fébrile, total, passionné. Ah oui. Et qui ne transige pas du tout, hein. Donc, et on le voit, oui, dans les médias, dans les associations, etc. C'est, vous pouvez. L'éternel est exclusif, cher Gandalf. Ah oui, tout à fait. C'est un dieu jaloux et colérique. Oui, ça me rappelle, dieu... ça me rappelle un autre. Oui, tout à fait, voilà. Alors, il faut le savoir. Donc voilà, donc notre auditeur breton qui s'appelle Laurent voulait suggérer une thérapie pour. Pour les Bretons, peut-être. Alors, nous avons une proposition et Derek arrive avec une contre-proposition. Je peux participer à la guérison. Je peux aider, hein, comme Adolf Eichmann a aidé. Alors, je passe au don suivant, don numéro 4. Bonjour à toute l'équipe. Je viens de vous envoyer au titre du mois d'août l'équivalent de 25 euros en monero. Salutations, et c'est Jean qu'on remercie beaucoup. Et don numéro 5. Bonjour, cher démocrate participatif. Encore 20 ans et nos taux seront aussi divertissantes. Oui, ça faisait allusion à une émission, je crois, du début juillet. Merci à Captain Harlock, ça c'est oui, pour ses formulations toujours empreintes de finesse. Dernièrement, je ne consulte plus beaucoup le site car j'en ai un peu marre des articles sur les traînées et de devoir subir les images obscènes de leurs nuisances. Oh. Je suis une femme et célibataire, et malgré moi, et je dois aujourd'hui en assumer les conséquences. Ce n'est pas un sujet sur lequel j'ai envie de plaisanter, et ça m'est insupportable d'être confronté à cette dégénérescence au quotidien. Ceci dit, j'ai quand même envie de vous soutenir, car avec vos articles, vous permettez de réunir des gens, et cela me paraît essentiel. À bientôt, il sera temps de mettre en relation, virtuelle et anonyme, j'entends, ces âmes que vous avez repêchées. J'ai créé un compte sur un réseau social, d'accord, derrière moi, et nous verrons ce qu'il est possible de faire à partir de cette plateforme. Je vous envoie donc un don de 50 shekels pour vous encourager. Que Dieu vous garde, et c'est Weininger qui nous écrit. Merci Weininger. Oui, enfin, il faut faire un petit travail critique, hein, sur les traînées, hein. Je pense que c'est nécessaire. Hein. Oui, oui. Ce qui n'implique pas toutes les femmes. Et sur les bêta-cucks, hein, également. Chevalier blanc. Don numéro 6, bonjour à toute l'équipe, je vous ai fait parvenir 40 euros en monero pour ma cotisation juillet-août. Merci à vous, mon honneur s'appelle Fidélité, c'est Martellus qui nous écrit. Voilà pour les dons, c'est le minimum, hein, quand même, de citer les gens qui se manifestent pour nous dire qu'ils nous soutiennent. On remercie ceux qui ne se sont pas manifestés, et éventuellement ceux qui n'ont pas été cités pour X raisons. Parfois, les messages glissent en spam. Donc n'hésitez pas à vous remanifester si vous n'avez pas reçu de réponse. Voilà. Alors merci donc pour nos soutiens. Je commence l'émission, rubrique numéro 1, courrier des lecteurs. Premier courrier. Hello les démocrates. Samedi dernier, j'étais convié au mariage d'un ami sur Toulouse. Ma grande surprise, que des blancs. Je me suis dit que je devrais passer une bonne journée en compagnie de ma race et non celle de la boue du tiers-monde. La cérémonie se passe nickel, sauf que mon regard s'est tourné vers un type de couleur blanche qui ne voulait pas rentrer dans l'église pour assister à la cérémonie. Je ne fais pas plus attention que ça et assiste au mariage catholique qui va bien. Lors du repas, sur le plan de table, on m'a mis juste à côté du mec qui ne voulait pas entrer dans l'église plus tôt dans la journée. Je ne fais toujours pas attention à ce quidam jusqu'au service du plat principal qui était un rôti de porc agrémenté de gratin dauphinois. Et fagot d'haricots verts. Le monsieur demande au serveur quelle est la viande et ce dernier répond « C'est du porc, monsieur ». Le type lui dit « Merci de votre réponse, mais je ne peux pas manger ceci ». Le serveur hausse les épaules et part continuer le service aux autres convives. À mon tour, je me tourne vers ce monsieur et je lui dis ceci sur le ton interrogatif « Musulman ?» Il me répond « Non, je suis juif ». Et dans ma tête, je me dis « Et merde, sur la centaine de personnes ariennes dans la salle, faut qu'on me colle avec Shlomo. L'apothéose fut lorsque vint le jeu des mariés, à savoir une sorte de jeu de chaises musicale où l'animateur demande à tous candidats de venir avec leur chaise, se mettre en rang, assis, et aller chercher un objet spécifique, un briquet, un paquet de clopes, une chemise, etc., etc. Et chaque fois que les joueurs partent en quête de l'objet demandé, l'animateur retire une chaise et celui qui reste debout tire un gage au hasard. Il y a 12 gages en tout, par rapport aux 12 mois de l'année. J'ai perdu à la 5e demande, et je me suis retrouvé à tirer le gage du mois de juin, à savoir celui de laver la bagnole des mariés. Lévi a paumé juste après moi et a eu comme gage de devoir inviter les mariés au resto pour le mois de février. Ce con de juif a tiré une gueule de 3 km à l'idée de casquer la bouffe pour ses amis. Vexé, il s'est barré dans la foulée et on ne l'a plus revu de la soirée. Au passage, il était 21h lorsque le jeu a débuté. Je n'ai pu que constater une fois de plus la nature juive nauséabonde, à savoir ne pas rentrer dans une église le jour du mariage d'un de ses potes, casser les couilles pour la bouffe et se vexer et se tirer devant tout le monde quand il s'agit de mettre la main à la poche pour sortir quelques shekels afin d'inviter son couple d'amis au restaurant. Sale juif ! Hitler n'a vraiment rien fait de mal. Alors, merci pour ce premier courrier qui commence très clairement en fanfare. Oui. Il y a un concept, moi, que je n'ai pas compris, si tu veux, c'est le concept des amis juifs. Il faudrait qu'on m'explique, en fait, je comprends pas. Bah, je comprends pas plus que toi. Hein. La naïveté du goy. Oui, c'est probablement la naïveté, mais enfin, déjà, en soi, je veux dire, ça traduit quand même toute la considération de ces gens pour les catholiques en général, mais enfin je veux dire le gaulois catholique, hein, mais vous avez ces gens qui parlent, qui n'arrêtent pas d'essayer de faire visiter d'ailleurs les petits, qui essayent de faire visiter aux petits gaulois des synagogues, hein, par tous les moyens possibles et imaginables, notamment avec des sorties scolaires, les traîner dans leurs musées de l'Holocauste, etc. Par contre, quand vous les voyez eux, voilà, dans les circonstances qu'on a dites, vous voyez que les types ils veulent même pas en approcher parce qu'en fait ils. Ce juif, s'il avait pu, aurait craché sur la croix, hein, c'est tout à fait certain. Hein. Oh, oui, il aurait pissé dans le bénitier. Oui, hein, oui, voilà. Peut-être que l'église était bénie, protégée par Dieu, et qu'il n'a pas pu rentrer. Hein. C'est possible également. C'est comme les vampires. C'est un visage. Exactement. C'est comme les vampires, mais c'est ça. Mais en fait, là, on a une description d'un vampire. Ben, bon, la description des vampires par Hollywood ressemble très oui. étrangement aux gueules qu'on les youpens de ce coin-là. Tout à fait. Tu prends une photo en noir et blanc de Strauss-Kahn, d'Attali, de Pierre Mendès France, je trouve qu'il est. Il a vraiment une gueule de vampire, quoi. Son petit-fils n'est pas mieux, hein, cher Magda. Hein, c'est. Oui, c'est très curieux d'inviter un juif. Bon, je pense que c'était par ignorance, voilà, il n'a pas trop calculé. Mais enfin, ça en dit. Ça se finit bien quand même. C'est-à-dire que le juif fait la gueule, ça se voit. Il fait chier pour la bouffe. Tout est bien qu'il finit bien, j'ai envie de te dire. Bah, il finit par payer, hein. Enfin, encore qu'il est tenu de l'inviter. Tu vas vite en besogne, Gandalf. Hein, il est très probable que le ou la mariée qui connaît le juif en question n'a probablement plus jamais entendu parler du juif. Hein. Ah oui, là, c'est fini, hein. Il le connaît pas. Hein. Tel mec, il est là à dire, ces sales goy, ils me font venir dans leur église, et en plus, ils me donnent du porc, ils veulent que je paye. Oui, rendez-vous compte que les goyes, nous, là, les gentils, hein, le bétail, nous avons une dette envers le peuple juif. Donc, le fait que lui se retrouve en dette par rapport à des goyim, si tu veux, il a envie de vomir, le gars. Hein, Tout à fait. Hein, donc, c'est pas normal pour lui. Donc, très bien, très bien. Ben, un ami juif de moins, du coup, un concept qui n'avait pas. Pas grande stabilité sur la durée, hein, s'il en est. Ils sont quand même terribles, ces youpins. C'est-à-dire, on a fait des lois pour leur interdire de rentrer dans les bâtiments, et quand on les y invite, ils rentrent pas, quoi. Alors attention, le ghetto a été inventé par les juifs eux-mêmes. Hein. Oui, tout à fait. Enfin, je pensais surtout aux magasins interdits aux juifs à la grande période. Oui. Non, mais les gens ne le savent pas. Quand vous avez les juifs qui disent les juifs étaient dans des ghettos. Oui, parce qu'ils s'y mettaient tout seuls. Ils ne voulaient pas fréquenter les sales goïms. Ils ne voulaient pas être au contact des chrétiens, etc. Et vice-versa. Mais c'est les juifs qui se sont mis d'eux-mêmes dans des quartiers réservés. Voilà, c'est tout. C'est exactement comme font les Turcs. Voilà, ou même les quartiers juifs qu'on trouve ici et là en France. Très connu comme le Sentier, etc. Il n'y a pas une loi qui stipule que les Juifs doivent être concentrés dans le quartier du Sentier ou dans le quartier du Marais. C'est eux qui s'y mettent d'eux-mêmes. C'est tout simplement. Voilà. Ils sont comme ça. Et le ghetto d'Avignon, c'est un peu ça aussi, hein. C'était sous Oui, mais protection du pape. les papes ont toujours eu tendance à avoir des juifs autour d'eux, hein. C'est une vieille histoire, ça. Le camp de Drancy aussi, hein, c'était aussi un ghetto juif initialement. Bah, ça l'est toujours, hein. Il y a toujours une communauté juive à Drancy. Posez-vous des questions, hein. Imaginez, ces gens sont censés avoir été horriblement persécutés à Drancy, les types continuent à y vivre. Posez-vous des questions. Est-ce que l'histoire est complète, vraiment? Oui, mais en fait, moi, ce que je voulais dire, c'est que j'ai lu quelque part, je ne me rappelle plus de la source, c'est que le camp réputé de transit pour Auschwitz, de Drancy, en fait, c'était des Juifs qui avaient organisé ça eux-mêmes, en appelant leur coreligionnaire pour éviter l'antisémitisme qui allait se développer à leurs yeux pendant l'occupation. Et donc, on vivait entre juifs à Drancy. Bah, tout à fait, mais ça n'a rien de particulier, tous ces camps, ou d'ailleurs même le ghetto, le ghetto de Varsovie, ça n'a rien de nouveau. Les ghettos, ça n'a rien de nouveau. Ils en font tout un drame, etc. Mais pendant toute l'Antiquité, tout le Moyen Âge, les juifs vivaient dans des ghettos. Et à Varsovie, la police, c'était une police juive. C'était administré par un conseil juif, ce qu'on appelait un Judenrat. Ils en parlent pas trop de ça, hein, ils en parlent pas trop, hein. Ils disent oui, mais on était forcés, etc. Ben, forcés de quoi? T'es pas forcé. Ça a toujours été comme ça. Il y a toujours eu les gros juifs qui gèrent la communauté. Comme aujourd'hui le CRIF. J'ai lu quelque part aussi que Ghetto, c'était le nom d'une petite île de Venise où on avait fait une sorte de, où les juifs étaient installés, ils l'avaient demandé au doge, et où ils étaient considérés hors territoire, c'est-à-dire qu'ils ne payaient pas les taxes comme les faisaient d'autres commerçants qui importaient enfin, de quoi vendre des produits de l'extérieur. Oui, donc en fait, ce que tu veux dire, c'est que à l'origine, le mot ghetto signifie paradis fiscal. Quelque chose comme Ah! ça, oui. Ah, c'est intéressant. Ben voilà, non, mais c'est jamais que ce que je dis, tu vois, c'est ça, tu vois. Merci Fulbert de cette précision. Oui, voilà. Activité bancaire, paradis fiscal, bon, entre soi strictement racial, voilà. Et de tout ça, on fait une jolie histoire, complètement réécrite, et on dit ah, les sales goy nous ont mis dans des ghettos pour nous persécuter, voilà. Voilà. Bon, ben, là, on a encore une démonstration, effectivement, lors d'un mariage. Alors, merci à cet auditeur pour cet exemple très pédagogique. Courrier numéro 2, les amis. Alors, ben, je commence la lecture, hein. Bonjour, démocratie participative. Si mon courrier trace son chemin parmi les nombreux que vous recevez, je voudrais vous apporter un message d'espoir au milieu de votre émission. Pourquoi pas? Pour ce faire, je vais vous raconter une petite histoire comparable à celle où Ève, en croquant dans la pomme, se retrouve avec une vision du monde bien différente. Cette histoire, c'est la mienne. Je suis une jeune femme dans la vingtaine, fille de parents fonctionnaires, ayant évolué dans une famille, que dis-je, un clan de gauchistes écolos et bobos, de gauche, voire d'extrême gauche pour certains. Inutile de vous dire que, comme eux, je vivais dans l'idéologie cliché gauchiste du genre. Il n'y a pas de race, nous sommes tous des homo sapiens, il faut promouvoir la diversité, ou encore, nous sommes trop nombreux sur Terre, etc. Ce n'est pas la fréquentation de cette fameuse diversité qui m'a ouvert les yeux sur l'état de la France, car comme ça l'a été pour certains dans d'autres courriers de lecteurs. Je ne dis pas que je n'ai pas été confronté au problème, non. J'ai vu ces Arabes de la ZUP de ma ville mettre le feu aux voitures, au moindre match de foot. J'ai entendu ces écolos végans m'expliquer que je ferais mieux de ne pas mettre au monde d'enfants. J'ai lu ces faits divers de Rachid ou de Mamadou qui poignardaient leurs femmes, etc. Mais tout ça, je ne l'ai pas compris. Non, je ne voyais que des criminels, des tarés, issus d'un milieu difficile, comme diraient mes proches, tout ça sans jamais prendre en compte, ni même remarquer le critère ethnique. Comme beaucoup de mes amis blancs, tous convaincus par le gauchisme, petits étudiants encourageant la cause LGBT ou hipster branché, j'étais tout simplement incapable de penser ainsi. C'est l'amour qui m'a fait changer. Une femme opte toujours pour les idées de son mari, comme dirait un tel. Ça peut paraître naïf, mais il m'a ouvert les yeux. Cela s'est fait dans des conditions d'ailleurs assez parlantes. Je m'étais lancé dans une formation d'un métier du BTP, un milieu plutôt improbable pour une demoiselle de moins de 60 kilos comme moi, je vous l'accorde. Je regrette un peu d'avoir profité de cet avantage inégal prodigué par la vague destructrice du féminisme, mais ça m'a donné l'occasion de découvrir le magnifique milieu du bâtiment. Dans la formation, toute la clique bougnoulique possible. Nègre idiot ne réagissant qu'aux blagues salaces, arabe mesquin ne cessant de tricher et de se plaindre, métisse des îles au sang chaud sans retenue. Quant aux blancs, un demi-sexuel sans personnalité. Je sais pas ce que ça veut dire un demi-sexuel. Peut-être un bisexuel sans personnalité, je ne sais pas. C'est peut-être quelqu'un qui est asexuel ou asexuel à moitié. Quoi. Ouais, d'accord. Ouais, androgyne peut-être. Ouais, sans personnalité. Le type qui a des problèmes de thyroïde. Ah d'accord. Ouais. Au physique aussi maigre que moi, un hipster avec un chignon, un défenseur des gilets jaunes. Si j'avais été une SJW, c'est-à-dire Social Justice Warrior, avec des cheveux bleus, on serait pas loin de la société parfaite vendue par les juifs ces dernières années. L'homme qui m'a ouvert les yeux est un pur raciste et comme vous, ne rêve que de foutre dehors tous ces étrangers qui nous pourrissent de l'intérieur et effacent notre race blanche. Au départ, je trouvais ses propos absolument horribles. Je tressaillais dès qu'il prononçait le mot nègre ou bougnoule, et pourtant, il était encore très soft, si je puis dire. J'étais tellement bouleversé par l'existence d'une telle personne. Non, vraiment, pour moi, le racisme comme ça, c'était du nazisme et ça n'existait plus à part dans les faits divers chelous des USA. Que ça m'a vraiment interpellé. Ironie du sort, c'est mon profond endoctrinement qui m'a poussé à me demander « Comment peut-il penser une chose pareille ?» Qui est-il pour énoncer cela ? Je voulais comprendre. Alors, il m'a apporté des preuves, des faits que l'État cherchait à cacher, et au-delà de ça, l'ambiance dans la formation n'a pas manqué de me prouver, une fois de plus, que vraiment, il n'y a que les Européens pour avoir un peu de respect et de savoir-vivre. Notre histoire a très vite parfaitement fonctionné. Je n'en revenais pas que moi, qui étais si ouverte d'esprit, douce et tolérante, puisse aimer un raciste, quelqu'un d'extrême droite. D'ailleurs, mes proches non plus n'en revenaient pas. La plupart de mes amis ont bien sûr tous essayé de me dissuader, par peur que je devienne l'un d'entre eux. Et ça n'a pas manqué. Si au départ, j'avais du mal à écouter votre émission comme vos copains ne ratent presque jamais, vous trouvant exubérant et vraiment pas politiquement correct, j'ai fini par progressivement changer d'avis et enlever le filtre que j'avais sur les yeux. Quand j'ai commencé à comprendre l'ampleur du phénomène, j'ai réalisé à quel point tous ceux que je connaisse se trompent sur toute la ligne. Le racisme, c'est le dernier rempart de notre civilisation face à l'envahisseur bougnoul. Et j'espère bien que, comme moi, d'autres changeront de bord et s'efforceront de fonder des foyers bien conservateurs et toute la flopée de têtes blondes qui va avec. Bisous à vous, camarades. Ne lâchez rien, vous êtes super. Signé Luciole. Alors, eh ben, dis donc. Je crois que c'est la première fois que qu'on a une femme qui dit « Vous m'avez convaincu ». Peut-être que je me trompe, hein. Ou peut-être que des jeunes femmes ou des femmes ont dit « Oui, je vous écoute, vous m'avez convaincu sur certains points, c'est possible ». Mais alors, pas un revirement comme ça, même si, bien sûr, l'émission, en fait, n'est qu'un prolongement, en fait, parce qu'elle, c'est sa rencontre avec, en fait, un camarade, en fait, hein. C'est ça, un auditeur, hein, du coup. Qui a fait 90% du boulot, si c'est pas 95%. Oui, quand même. Non, mais, voilà, moi je tiens à féliciter le bonhomme, déjà. Hein, parce que là, c'est... Donc notre Luciole, ça date d'il y a quelques mois, je crois, parce qu'elle était dans une formation BTP où elle parle d'un soutien des Gilets jaunes, donc c'est quelque chose qui date soit de fin de l'année dernière ou début de l'année. Donc, en arriver à passer de rien, en tout cas du gauchisme mou, de la Macronie, du LGBT et compagnie, à nous, en quelques mois comme ça, c'est fort. Hein, ça me surprend. Hein. Ben ouais, c'est. Oui, là, c'est une conversion radicale. Hein. Moi, je tiens à féliciter cette jeune femme parce que ça nécessite un travail de. Un travail critique. Un travail. Oui, critique, mais un travail sur soi considérable. Ben, c'est des jambes de gauche honnêtes qui existent, et puis bon, au final, quand ils sont honnêtes, ben, ils restent pas de gauche très longtemps, quoi. Donc je tiens vraiment à la féliciter ces jeunes femmes parce que ce travail sur soi suppose effectivement une honnêteté quoi. Je veux dire d'être capable de se dire bon bah je vais bon au départ sa démarche commence voilà tiens ce garçon il tient des propos quand même assez radicaux c'est assez choquant mais bon par curiosité puis voilà tiens je tiens un petit peu le diable qui m'est dépeint par tous mes amis mon milieu familial bon bah allez je vais aller creuser je vais voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière ça est-ce que c'est juste des slogans qui sont répétés ou est-ce qu'il y a quand même une espèce de pensée derrière fût-elle fausse fût-elle erronée alors allons voir et puis comme elle est assez honnête et que visiblement son compagnon et quelqu'un qui a du répondant et a donc pu argumenter, hein, arriver avec des informations, des histoires, des chiffres, puis des exemples concrets, qu'elle a pu vérifier d'ailleurs avec sa formation. Là, elle s'est dit, tiens, ouais, non, en fait, je sors d'un conditionnement idéologique à peu près complet, quoi. Ce qui est le cas, hein, je veux dire, les gens ne se rendent pas compte. Les gens ne se rendent pas compte dans quel conditionnement idéologique ils sont. Dans lesquels on les a plongés. Depuis l'école, parce qu'on est pris en charge de l'école. Les gens ne s'en rendent pas compte. Hein. Vous avez 3 ans, vous arrivez à l'école maternelle, bon, alors ça commence pas tout de suite à l'école maternelle. Encore que, on vous met des manuels entre les mains, maintenant, les manuels avec les gamins. Bon, hein, il y a un noir, il y a un chinois, il y a un arabe sur, vous savez, les dessins, là, il n'y a pas que sur les dessins aussi, il y en a dans la classe. Ensuite, c'est l'école primaire. Bon, là, on commence un petit peu plus déjà à faire comprendre que c'est pas bien d'être raciste, etc. Mais c'est toujours dans un sens. Bon, bah, si vous faites tout le cursus, plus les médias, plus la pression sociale, je veux dire, oui, aller à contresens, d'abord, c'est risquer, très concrètement, d'avoir des ennuis, et vous perdez des amis, vous pouvez vous retrouver dans des rixes. Hein, en sortie, je sais pas, en sortie dans un bar, etc. Moins les jeunes femmes quand même. Mais ça existe, avoir des parents qui avec lesquels vous pouvez même vous retrouver en froid à peu près complet. Donc c'est vraiment pas facile. Je veux dire, il y a très peu de gens qui vont quand même après avoir, je dis, il y a très peu de gens qui après avoir subi le lavage de cerveau complet vont avoir les ressources intellectuelles et surtout, on va dire, la fortitude morale pour tout déconstruire et reconstruire. Donc c'est pour ça que je tiens quand même à tirer mon chapeau à cette jeune femme et à son compagnon qui l'a beaucoup aidé. Donc ça c'est très positif. Oui, alors le fait qu'elle ait choisi des études dans le bâtiment, bon, je ne sais pas ce qu'elle fait exactement, prouve que elle était sauvable déjà. Parce que quand tu fais un tel choix de carrière ou d'études, moi je suis pas persuadé que tu le fasses quand tu es une femme parce qu'on te dit de le faire. Hein, la plupart des féministes ne font pas d'études pour travailler dans le bâtiment. Elles font des études de genre ou des études littéraires. Font des études qui sont déjà gangrénées par le féminisme et le gauchisme. Bien sûr. Donc je pense qu'elle était déjà rationnelle, on va dire. Rationnelle et pragmatique. Elle était déjà dans la construction et non Non, pas bon. dans la destruction, hein, comme Oui, c'est Bah, ça. notez bien, je veux dire, vous avez vu Ah oui. à quel point ils en sont. Je veux dire, il y a ses copines qui lui disent, faut pas que tu fasses d'enfant. Vous imaginez dire ça à une femme? Ah oui, ces Ouais, nanas qui doivent faire des c'est. études pour faire des jobs de merde, des bullshit jobs, quoi, tu vois. Ouais, non, mais même pas Genre, uniquement. C'était, oui, il faut bah bosser, qu'on oui. paye des impôts pour que Mamadou et comment on est sa négresse fassent 10 gosses et aillent pointer à la CAF. Oui, alors ça c'est un. D'ailleurs, si des auditrices pourraient témoigner, enfin apporter leur témoignage là-dessus, ce serait intéressant parce que moi je constate ça avec des nanas qui ont, on va dire, allez, moins de 25 ans, qui disent ouvertement ne pas vouloir avoir d'enfants. Et j'ai jamais vu ça avec des nanas un peu plus âgées, enfin pas à leur âge, après. Elles peuvent justifier le fait qu'elles n'aient pas eu la possibilité de faire des enfants parce que pour X ou Y raison, mais ça reste toujours de la justification a posteriori. Mais là, maintenant, ce qui est nouveau, c'est des très jeunes, enfin des jeunes femmes qui peuvent être très jolies et a priori bien dans leur peau quand on les regarde, dire qu'elles ne veulent pas avoir d'enfants. Il y a Alors, un instinct de mort chez ces gamines qui, moi, me terrifie. ouais, mais Si... c'est pas un instinct de mort organique, c'est que les femmes sont très influençables de nature. Les femmes sont très influençables, les femmes reprennent très facilement les messages. Les femmes sont passives, je veux dire, c'est dans leur nature. Les femmes sont passives. Alors, toutes les femmes ne sont pas passives, il y a des femmes qui sont quand même très revêches, qui ont un caractère très affirmé, voire qui sont même dominatrices, mais globalement, les femmes sont passives, c'est dans leur nature. Et elles reçoivent les messages, elles sont réceptives. Et aujourd'hui, bah, regardez les grands médias, en plus, c'est aberrant, je veux dire, à tout point de vue, au plan social, au plan scientifique, ça, c'est complètement aberrant, les messages qui sont en train de diffuser. C'est-à-dire, au moment où vous avez l'Afrique, qui est une véritable bombe nucléaire démographique, et qui est une catastrophe écologique pour le continent africain lui-même, je ne parle pas des conséquences migratoires, on est en train d'expliquer aux blancs occidentaux et aux blancs d'Europe qui sont chez eux, sur leur terre, qui sont déjà en phase, qui sont déjà en train de traverser un hiver démographique, puisqu'on est pratiquement à 1,3, 1,4 enfants par femme, c'est-à-dire qu'il y a une baisse d'un tiers du nombre d'enfants par génération au rythme actuel, ce qui fait que à l'échelle peut-être d'un siècle, il y aura pratiquement plus de blancs en Europe à ce rythme-là, du simple fait du dépeuplement et de la dénatalité. Vous avez au moment où c'est crucial, parce que là après on arrive avec le phénomène d'immigration de masse au basculement démographique dans les 30 ans. Donc c'est les jeunes femmes d'aujourd'hui qui comptent. Et c'est maintenant que tout d'un coup les médias juifs se mettent à dire ah. Non, il ne faut pas faire d'enfants, jeune fille, vous comprenez, les petits oiseaux quelque part en Ouganda, au Sri Lanka, truc. Voilà. Bon. Ça va générer du CO2. C'est... dire Oui, non, si... mais c'est complètement fou, quoi. Donc, non, c'est une manipulation et c'est dramatique que certaines jeunes femmes se laissent impressionner par ça. Mais, comme je l'ai dit, comme les femmes sont quand même des éponges émotionnelles en général, il suffit de les impressionner émotionnellement. Vous leur mettez une image, n'importe quoi. Vous mettez, je sais pas, un migrant africain de 3 ans noyé. Vous leur dites, faites pas d'enfants. Le message, il passe comme une lettre à la poste. C'est très facile avec les femmes. Les femmes sont émotionnellement hypersensibles. Et les grandes, comment dirais-je, à la fois enfin, disons, les grandes entreprises de marketing et bien sûr les grands médias ont des psychologues, hein, ils ont des groupes de réflexion qui les conseillent, ils ont des spécialistes de la psychologie de masse, et ils savent très bien quels ressorts utiliser avec les femmes ou les différents segments de la population qu'ils veulent atteindre pour faire passer un message. Voilà, donc... Oui, ils font des études préalables, Bien enfin, sûr. tout ça, enfin, dans le budget pub qui est déjà enfin, dantesque, hein, je ne sais pas combien de fois ça représente plusieurs fois le PIB de l'Afrique. On fait des études psychologiques très poussées, avec des panels très très élaborés, et on va voir quels sont les mots qui peuvent être des triggers, c'est-à-dire des déclencheurs d'émotions, et quels sont les mots qui ne le sont pas. Et on ne fait pas n'importe quoi avec la pub. Non. Tout ça est très élaboré. Donc, bah, y a le fa... bon, c'est très discuté, mais ça, le début de l'émergence de la guerre psychologique, ça a commencé avec la Première Guerre mondiale, en fait. Bon, je vais pas m'étendre parce que ce sera un sujet passionnant à aborder, mais on le fera dans une autre émission. Ça concernerait les racines de la Première Guerre mondiale et pourquoi c'est lié avec l'émergence de la propagande de masse. En fait, la propagande commerciale qu'on a vue apparaître. Bon, il y avait de la... on appelait ça avant la Première Guerre mondiale, on appelait ça la réclame. Donc la réclame, la publicité, existait déjà au XIXe siècle. Mais l'analyse scientifique des réactions psychologiques à un message, quel qu'il soit, pour vendre quelque chose ou pour promouvoir quelque chose, ça c'est venu un peu avant la Première Guerre mondiale, pendant la Première Guerre mondiale, et ça a été appliqué au secteur privé après la Première Guerre mondiale. Bon, il y a évidemment. C'est Bernays, non, qui s'appelle ce Ce psychologue américain? Oui, Edouard Bernays, qui est le double neveu de Freud, hein, parce que il y a une histoire d'inceste derrière ça. Non. Voilà. C'est étonnant. Je ne veux y croire. Donc c'est lui qui il avait compris notamment le rôle des femmes. C'est-à-dire qu'il a fait, il avait compris notamment que les femmes pouvaient être de grandes consommatrices. Et donc, il a créé un type de message publicitaire ciblé sur les femmes. Et c'est lui et d'autres. Hein. Il y a d'autres publicitaires qui ont commencé à écrire là-dessus, à théoriser là-dessus. Et voilà. Donc c'est pas d'aujourd'hui. Ça remonte maintenant à plus d'un siècle, environ un siècle. Et c'est lié au départ à un effort militaire. Et à la fois pour mobiliser son propre camp et pour démoraliser et démobiliser le camp d'en face afin d'atteindre ses objectifs militaires. Donc on est toujours dans une guerre psychologique de toute façon, qui passe par les médias, des messages à caractère médiatique, et même aujourd'hui on le voit de plus en plus, hein, avec les grandes entreprises, les grandes multinationales occidentales, notamment américaines, on voit qu'elles sont de plus en plus des vecteurs de messages à caractère politique. Je ne sais pas si vous l'avez observé. Récemment, il y a eu, je crois, je me rappelle plus cette marque là. Il y a eu un, oui, on a eu Gillette par exemple, les rasoirs Gillette, la marque bien connue, qui ont décidé, parce qu'en fait, il y a une concurrence sur le marché du rasoir, et ils ont décidé en fait d'essayer d'élargir en s'appuyant sur les messages promus par l'extrême gauche. Opportunistes des campus américains que vous connaissez bien maintenant. Les rasoirs pour les femmes, les transsexuels, les homosexuels, etc. Voilà, ils ont développé des clips publicitaires qui s'appuyaient sur un certain nombre d'archétypes répondant à ce type de propagande. Alors, par exemple, à un moment donné, on voit un transsexuel noir et son père noir qui se rase devant la glace, voilà, bon. Voilà. Non mais pour vous dire que c'est pas anodin, et que là ce qu'on voit, c'est on voit les grands groupes multinationaux pousser des messages à caractère idéologique pour essayer de reconfigurer la société. Et encore une fois, enfin, on en avait déjà parlé à l'époque, mais il y a eu un impact sur les ventes. Oui, ça a mal tourné. Ça a mal tourné. Ça a très mal tourné. Je crois qu'il y a eu 4 milliards de pertes, si je ne me trompe pas. Il y a eu du gros pognon qui a été perdu. Donc quand ces gens, en général, c'est des nanas ou des juifs, hein, ou les deux, quand vous voyez ça dans une boîte, vous savez que ça a mal se passer. Donc bon. Bah alors le PDG qui n'a en fait il a dit ouais mais ça valait le coup quand même parce que voilà. Bah oui, enfin là, il faisait surtout du chantage à son actionnariat. C'est-à-dire, si vous me virez, c'est parce que vous êtes homophobe. Ouais. Voilà, enfin, c'était vraiment le coup de la dernière chance. Mais ça va, à mon avis, ça va pas convaincre tellement les actionnaires qui, à mon sens, se sont peut-être laissés embarquer là-dedans, mais doivent le regretter. Donc tout ça, pourquoi? Mais pour une raison simple, c'est-à-dire que en fait, le problème, c'est que 95%, si c'est pas 99% des gens qui achètent des rasoirs Gillette, sont des hommes. Et un homme qui se rase, si vous voulez, la plupart du temps, enfin très souvent, c'est un homme normal, hétérosexuel, d'accord, qui n'a pas envie de se raser avec un rasoir de fiotte. Et puis c'est pas un hipster, en fait. Voilà. C'est ça. Si vous créez l'image, enfin si vous véhiculez l'image d'un rasoir conçu par et pour les fiottes, celui qui est hétérosexuel et normalement constitué va se dire, mais j'ai pas me raser avec ça, moi il me faut un truc normal. Et il va aller sur le rasoir où vous allez voir un mec, un beau mec, vous savez, bodybuildé, qui se rase dans la glace, là, vous savez, avec sa mousse sur le truc, il dit, tiens, bah, voilà, ça, je me reconnais là-dedans, je suis un mec comme ça, quoi. Et c'est tout, hein, c'est aussi simple que ça. Oui, non, mais ça, c'est le problème des publicitaires, c'est quand ils veulent faire de la politique et changer la société, ça peut être à double tranchant, parce qu'au contraire, ce qu'ils doivent faire, c'est sentir les tendances actuelles de la société. C'est pas projeter leur fantasme sur le monde, sur le marché. Tout à fait. Mais bon, il y a pas que, hein, parce qu'en fait, et c'est pas forcément que les produits masculins, c'est dans tout. Je sais pas si si nos auditeurs ont fait attention, mais le mâle blanc d'un certain âge, on va dire, allez, plus de 35 ans, et toujours un peu bedonnant, quoi, il est toujours représenté comme un nigaud. Par sa femme, par sa fille, de plus en plus, et il est toujours représenté comme une sorte d'abruti qui ne comprend pas le monde dans lequel il vit. Je ne sais pas si vous avez fait attention à cela. En fait, il est beaucoup plus proche du personnage d'Homer Simpson que du personnage de Jean Gabin, quoi. Pour résumer. Oui, ça c'est sûr. Non, par contre, je veux dire, je pense que le backlash, il va se... Enfin, on va dire l'éventuel contre-coup va se situer au niveau de la propagande LGBT, je pense. C'est-à-dire que sur la question raciale, à la limite, vous pouvez vendre de la diversité. Je veux dire, ça passe. Ils font ça depuis les années 70, 80, dans le cinéma et autres. Ça passe, d'accord ? Quand on commence à vous mettre des nègres déguisés en femmes, qui s'épilent, etc., ça devient bizarre, si vous voulez. Même... pour le commun des mortels, ça devient très très très très curieux. Et je pense que ça bloque. Je pense que ça bloque. Et j'ai vu une étude récente, une étude d'opinion récente aux États-Unis, par exemple, chez les jeunes. Il y a une très forte baisse dans les. Enfin, c'est toujours déclaratif. C'est des enquêtes d'opinion, donc c'est déclaratif. Mais il y a une très forte baisse de la tolérance à ce qu'on appelle les LGBT, quoi, hein, donc les homosexuels, les travelots, les gouines, etc. Donc ce genre de choses. Ça baisse significativement, je crois qu'ils étaient à 65 il y a deux ans, 65% d'acceptation, et maintenant on est en 48%, je crois, d'acceptation, ils n'ont jamais vu ça. C'est un recul drastique qui est lié en fait à l'agressivité de plus en plus croissante de la promotion du pédo-LGBTisme, en fait. Hein. Qui n'a jamais été aussi fort depuis ces deux dernières années. Vous allez sur Facebook, vous allez sur Twitter, vous savez, vous avez tous les médias là, comme Brut, Combini, Vice, même Al Jazeera. Enfin, c'est Agipus, Vice a encore fait un reportage aujourd'hui sur les enfants de Travelo pour dire que c'était merveilleux. Bah voilà, tu vois, ça on voyait pas ça il y a en fait avant l'élection de Trump. Je pense que le point de bascule, c'est l'élection de Trump. Non, il y avait la propagande pro-homo, en disant oui, il faut être tolérant. Mais maintenant, c'est carrément. Ah oui, les travaux. Maintenant, c'est les gamins travestis qui défilent devant des fiottes en chaleur à la Gay Pride. C'est disponible en ligne. Hein, si vous pensez que je raconte n'importe quoi, vous pouvez aller regarder sur YouTube. Même j'ai vu le magazine Elle, on en avait peut-être probablement parlé, le magazine Elle, qui promouvait des gamins de 5-6 ans déguisés en femmes. Qu'on faisait tourner dans des espèces, si vous voulez, d'événements destinés aux drag queens. Les drag queens, c'est quoi? C'est des homosexuels. Donc imaginez des homosexuels qui voient, alors que c'est un événement à caractère sexuel. Les drag queens, c'est à caractère sexuel, hein, très évidemment. Ça ne veut pas dire qu'il y a des... Encore que, à mon avis, il y a des choses qui se passent, mais il n'y a pas d'acte sexuel public. Mais c'est un événement à caractère implicitement sexuel, voire pratiquement explicitement sexuel. Quand vous faites défiler un gamin déguisé en femme là-dedans, un petit garçon déguisé en femme là-dedans au milieu de ces gens-là, on est dans la pédophilie, il faut être clair, il faut parler français, on est dans la pédophilie. Bon, c'est le magazine Elle. D'accord ? Donc, on voit le forcing, et les études d'opinion, aux États-Unis, hein, montrent que ça prend pas. Attention, ça continue de prendre dans pratiquement une bonne moitié de la jeunesse. Hein. Mais il y a une autre moitié... qui dit non, ça c'est bizarre. Je pense aussi que ça prend peu chez des populations comme les hispaniques, par exemple. Je suis pas certain que chez les Mexicains, des gamins déguisés en travelos, ça soit très vendeur. Notamment quand... Alors là, cher Gandalf, je crois savoir que par exemple dans des pays comme le Pérou, par exemple. Mais le Mexique, c'est pas le Pérou, c'est pas pareil. Ouais, non, mais bon, là, en l'occurrence, bon, tu as beaucoup de reportages où tu vois des enfants de travelo et tu as des espèces de latinos dedans. Hein. Ah, mais ça, je dis pas le contraire, mais la très grosse immigration hispanique aux États-Unis, c'est essentiellement du mexicain, du cubain, du portoricain. Enfin, je veux dire, c'est des trucs comme ça. C'est, et au Mexique, enfin, qu'est-ce qui prévaut dans la culture des jeunes hispaniques aux États-Unis? C'est la culture du gang. C'est la culture du gang. Le gangsta rap. Bon, le gangsta rap, ça fait l'apologie de la survirilité. Ça met en avant la femme objet, etc. J'ai pas besoin de le rappeler. Ça met pas en avant le sexe avec des enfants. Ça, c'est dans la culture des gangs américains, les violeurs de gosses sont assassinés. On va d'ailleurs en parler dans la deuxième partie d'émission. Donc, ouais, c'est là, je pense qu'il y a il y a quelque chose qui prend. Ça peut prendre chez les bobos et les blancs des grandes villes des États-Unis ou de France. Hein, voilà. En revanche, je suis pas sûr que dans les quartiers chauds, ça soit la même chose. Voilà. Oui, et puis la propagande homosexuelle, enfin homosexualiste plutôt, on va dire, pendant longtemps, elle revendiquait une forme de normalité. Le PD, c'était ton voisin qui était parfaitement normal et qui vivait sa vie. Et puis, vu que les gens en fait étaient profondément indifférents à cette question, je pense quand même en Europe, on en a un petit peu rien à secouer, ça pouvait passer. Maintenant, les gens se revendiquent cuir, et cuir, ça veut dire bizarre. Donc, les gens revendiquent leur bizarritude. Donc, il est parfaitement normal que de plus en plus de gens sains les trouvent bizarres. Ils se revendiquent comme tels. C'est vrai, c'est vrai. Alors, on s'écarte un petit peu du point de départ parce que le point de départ, c'était cette jeune fille dont les écailles tombent des yeux. Mais disons que c'est le travail d'ingénierie sociale qui est fait pour pousser les gens à adhérer à cette nouvelle société utopique juive, dont on voit chaque jour les miracles, quoi. Donc c'est en fait quand on est assez sincère et qu'on vient d'un milieu de gauche et qu'on fait un travail critique simplement sur la base de ce qu'on voit, qu'on procède à une critique empirique de ce qu'on vit, à un moment donné, on va quand même se poser des questions. Enfin, moi, honnêtement, j'ai quand même connu quand même pas mal la gauche. J'ai pas été de gauche, mais j'ai connu des gens de gauche. J'ai lu la littérature de gauche, etc. Bon, jusqu'à une date très récente, c'était pas considéré comme un progrès social de sodomiser un mec. C'était pas ça. C'était pas consubstantiel à ce qui faisait quelqu'un de gauche, quoi. Ce n'est que très récent tout ça. Donc voilà, donc pour le lavage de cerveau ambiant. Quelqu'un veut-il rajouter quelque chose? Oui. Moi, je pense que le vrai tournant, en fait, c'était le mariage des PD. Hein. Moi, j'ai manifesté contre ça. Alors, dans un milieu qui n'était pas du tout le mien, parce que je viens pas d'un milieu catholique pratiquant... je viens plutôt d'un milieu prolétaire, on va dire, déculturé, décatholicisé. Et si j'ai manifesté, et quand je l'ai fait, vous doutez bien que je me suis mis beaucoup de monde à dos, hein, dans mon entourage proche, c'est parce que, en supprimant le mariage hétérosexuel, qui est le seul mariage fertile par nature, on supprime un rite symbolique, un rite de passage pour les individus, parce que pour moi, le mariage hétérosexuel, c'est un passage. Bon, c'est la norme pour moi, on doit tous y passer, sauf cas exceptionnel ou dramatique. Eh bien, en supprimant ce rite de passage, on rentre dans une société morbide. Bien Et sûr. Ça ne m'étonne pas que finalement, on ait glissé depuis le mariage des PD qui, en fait, en tant que tel, est assez. C'est anecdotique, parce que ça doit représenter quelques milliers de personnes, quelques dizaines de milliers de personnes sur plusieurs années. Mais la civilisation occidentale, en supprimant ce rite, ce symbole, qui est vraiment le symbole de la fertilité, est rentrée dans une société de mort. Oui. Je te coupe, Magal, mais enfin, le mariage, ça fait un petit moment qu'il est mort, quoi. Hein. C'est pas. C'est plutôt depuis que le divorce existe. La libération sexuelle, etc. On divorce, on couche à droite, à gauche. Avant, le mariage, c'était Bon, ben voilà, je me marie, je vais faire des gosses, et les gars qui traînent autour, pas touche, quoi. En gros, c'est ça. Depuis que tout ça, tout ça n'existe plus, donc déjà on peut divorcer. Il y avait le divorce pour faute qui existait, ça n'existe plus, hein, il n'y a plus de divorce pour faute. Bon, c'est un truc administratif qui permet à des youpins qui portent une robe de se faire du fric dans les tribunaux. Moi, je ne vois que ça. Hein. Ça n'existe, ça n'a plus aucune espèce d'intérêt. C'est un sacré business, hein. Le divorce. Ah ben oui. Ouais, puis même pour l'ensemble de l'économie, hein. Regarde, qu'est-ce qui se loue en ce moment? C'est des apparts pour célibataires. Un célibataire consomme bien beaucoup, beaucoup plus qu'un couple, tu vois. Enfin, deux Bah oui. célibataires consomment bien plus qu'un couple, ça c'est sûr. Bah, il y a une économie d'échelle, fatalement. Un couple de divorcés, faut tout en double. Je veux dire, le BTP a un intérêt bien compris, par exemple, au divorce. C'est clair, quoi, je veux dire. Et au nègre aussi. Donc oui, non, mais tout est lié, hein, je veux dire. Donc, non, mais la morbidité qu'on retrouve, donc le fait de dire aux filles, faut pas que vous ayez de gamin, donc dans les conditions que j'ai dites. Tout ça découle aussi d'une destruction systématique de la cellule familiale, qui est la première cellule de la société. Hein. C'est la première cellule de la société. Je veux dire, c'est la société, ça commence. Enfin, la société, c'est quoi? C'est quand des individus se regroupent. Et quand des individus se regroupent, se forme une hiérarchie. La première formation d'un groupe, c'est un homme, une femme, pour qu'elle puisse se reproduire, évidemment. Hein, c'est la première condition de la vie, quoi. Et ça, c'est détruit systématiquement aujourd'hui. Enfin, très fortement découragé, parce que bon, je veux dire, les lois de la vie étant ce qu'elles sont, je veux dire, il y a quand même un puissant instinct de survie qui fait que de toute façon, il y a des enfants qui naissent. Trop peu, mais il y en a. Mais il y a tout un environnement social et une rééducation des masses qui fait que, effectivement, ce qui pourrait être un environnement beaucoup plus stable et beaucoup plus propice pour l'épanouissement des personnes est systématiquement détruit. Et en revanche, les personnes dont les comportements sont nihilistes sont très largement mises en avant, à commencer par les homosexuels. Je répète un truc très simple, la sodomie est infertile. C'est-à-dire que ça ne mène à rien, en gros. Et pourtant. Ça a des maladies. Voilà, oui, ça mène à la mort, hein, le sida, je veux dire, bon. Oui. Donc d'un côté, on a cette espèce de promotion, d'idéalisation, voire de sacralisation de la sodomie. On aura l'occasion d'en parler dans une des rubriques suivantes. Et de l'autre, j'ai même vu que récemment au Royaume-Uni, là, c'est cette semaine, une femme dans une publicité, on reste dans le domaine de la publicité, une femme dans une publicité avec un bébé a été déprogrammée car jugée offensante, car elle caricaturait les représentations de genre. Oh la vache. C'est-à-dire qu'en fait, les auditeurs vont peut-être avoir du mal à comprendre, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, c'est que la publicité est considérée comme trop hétérosexuelle. C'est-à-dire qu'une mère avec son gamin, c'était considéré comme trop hétérosexuel, et il y a eu un rappel à l'ordre, la publicité a été décommandée par les autorités gouvernementales. Voilà. D'accord? Donc c'est tout cet environnement dans lequel on évolue qui est conçu pour encourager la dénatalité des Blancs. Parce qu'au final, c'est ça le but stratégique, c'est de faire en sorte que les Blancs fassent moins d'enfants. Si on leur met des exemples, des archétypes devant les yeux, vous avez des mères épanouies avec des bébés, ça va déclencher dans le public féminin, inconsciemment, alors peut-être pas une envie soudaine d'avoir des enfants, mais ça va stimuler des instincts naturels qui sont présents chez la femme. D'accord? Très bien. Si vous ne leur montrez pas ça et qu'à côté de ça, vous montrez des espèces de folles à cheveux bleus complètement hystériques, qui sont valorisées comme des héroïnes, comme récemment une des principales joueuses de football de l'équipe de la sélection américaine après la Coupe du Monde féminine de football, qui est une lesbienne revendiquée, bon, bah, si vous mettez des femmes comme ça dans les médias et que vous dites, voilà, vous dites aux femmes, quoi, des millions de femmes qui regardent, voilà, ça, c'est être une femme. Vous allez envoyer les jeunes femmes sur une voie complètement différente qui s'avère être une voie de garage car une voie stérile. C'est tout. Parce qu'en fait, on essaye de faire des femmes des hommes. On essaye de dire aux femmes, il faut que vous ayez le phallus. Elles pourront jamais l'avoir, elles l'ont pas entre les jambes. Le phallus, c'est pas uniquement le membre viril de l'homme, c'est, ça structure aussi un cerveau. Hein, les sexes structurent les cerveaux. Donc, mais on essaye de leur faire croire ça. On essaye de susciter la jalousie, l'envie chez les femmes, en essayant de leur dire, voilà, vous ratez votre vie si vous n'êtes pas un mec. C'est complètement aberrant, mais c'est ce qui se passe. Et donc, ça déclenche une frustration, et là, la subversion leur propose, comment dirais-je, des soins palliatifs. On leur dit, vous vous sentirez mieux quand vous aurez le droit de divorcer, voilà. Vous sentirez mieux quand vous pourrez avoir toutes les pensions que vous voudrez. Vous vous sentirez mieux quand vous aurez le PACS. Et puis, en plus, madame, vous allez vous sentir mieux quand les homosexuels, comme vous, pourront s'émanciper. Et les lesbiennes. Et puis, elles se sentiront encore mieux quand elles pourront commander un enfant en Inde. Et voilà. Et de fil en aiguille, vous détruisez la cellule de base de toute société, qui est la famille. C'est-à-dire que vous détruisez les individus. Parce que, évidemment, comment voulez-vous que les personnes s'épanouissent si le cadre fondamental dans le que la nature a prévu pour elle est détruit. Les personnes ne peuvent pas être épanouies, au contraire. Donc plus on suit l'ingénierie sociale judéo-gauchiste, que l'on voit s'étaler de plus en plus, plus les gens sont frustrés, plus ils s'énervent, plus ça crée des tensions, plus la subversion jette de l'huile sur le feu, et le phénomène de spirale s'intensifie. Voilà. Et ça ne peut pas apporter de réponse. Donc comme les gens sont aveuglés et ne sortent pas, beaucoup de gens sont aveuglés et ne sortent pas de cette gang dont ils sont prisonniers, et qu'ils consomment en plus le poison qui leur est présenté comme une médecine par le système, leur organisme va de plus en plus mal. Voilà. Et en plus, le pire, et ça c'est vachement pervers de la part des médias, c'est qu'ils désignent les médecins qui ont le bon traitement, l'antidote contre le poison, comme étant un empoisonneur. C'est ça qui est le plus pervers là-dedans, voyez. Et parfois, comme dans le cas de notre auditrice, parfois il y en a une, ou un, il y a une personne qui accepte d'aller voir, de franchir la ligne rouge, et tout d'un coup, elle découvre que c'est pas du tout ce que... Enfin, que tout d'un coup, les choses commencent à avoir un sens. Voilà, c'est l'expérience qu'a traversé cette femme, hein. Mais aujourd'hui, il y a une telle pression sociale. Je veux dire, c'est tellement qui n'existait pas il y a 10 ans. Hein, je veux dire, il y avait une pression sociale il y a 10 ans, ça c'est très certain. Mais elle est beaucoup plus forte aujourd'hui. Maintenant, vraiment, on ne tolère même plus une virgule. Je veux dire, hein, on le voit sur les réseaux sociaux, hein, notamment avec. Ce sont des salafistes. Hein, de la nuit. Et quand je dis avec les réseaux sociaux, bien sûr, vous avez les groupes organisés, c'est-à-dire les lobbies, le lobby homosexuel, enfin pédo-LGBT, le lobby juif, etc. Bien sûr, tout à fait, qui ont leurs indignations et leur hystérie, mais le problème, c'est qu'elles sont relayées par les grandes plateformes. Donc l'hystérie de petits groupes devient institutionnelle de par le poids des grandes plateformes, comme YouTube, comme Twitter, comme Facebook, et donc la parole de ces petits groupes parasitaires devient la norme. C'est ce que je voulais dire. Je voulais pas dire « Oh, la masse vous tombe dessus », même s'il y a un phénomène de masse. Hein, bien sûr, vous avez toujours des... Surtout que les femmes aiment bien les homosexuels. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Elles ont une tendresse pour les homosexuels, quoi. Vous voyez ? C'est tout à fait vrai. Une femme urbaine a au minimum un ami homosexuel, voilà. À qui elle laisse faire des choix, y compris le choix des hommes. Hein. C'est assez... C'est assez incroyable, mais c'est le cas. Oui, et pour ne pas citer le cas du coiffeur. Oui, bon, encore, le coiffeur, ça peut... C'est une chose, mais... C'est la mode, tu vois. Il y a une époque, il fallait que la femme célibataire ait son goniché, et maintenant, il faut qu'elle ait son ami homosexuel avec qui elle va faire du shopping et avec qui elle va partager des potins sur les mecs qu'elle s'est fait. Hein. C'est... Tout à fait. Bon. Alors, messieurs, je vous propose de passer au courrier numéro 3. Je remercie Don Luciol de nous avoir confié son parcours et l'évolution qui a été le sien. Et je lui souhaite le meilleur à elle et à son compagnon. Donc, courrier numéro 3. Cher démocrate participatif, je vous écris directement depuis la gare de Lyon à Paris, où je m'empresse de vous faire part de ce qui vient de m'arriver. Nous avons affaire à un auditeur traumatisé, je le dis tout de suite. Hein. Devant me rendre à Cavalières, dans le sud, pour les vacances, je me suis réveillé de bonne humeur à 5h30 du matin pour aller prendre mon train. La matinée commence bien et je marche avec mes valises dans les rues de Paris, véritable cloaque à ciel ouvert. Les rues sont jonchées de détritus, de traces d'urine et de deux Suédois SDF, Suédois entre guillemets, hein, me demandant de l'argent à 10 minutes d'intervalle. Il faut dire que le monde appartient à qui se lève tôt, alors pour ne pas me faire inquiéter, je leur laisse une cigarette chacun. Jusqu'ici, rien d'anormal dans la capitale. Je prends ensuite le métro, pas un blanc dans les wagons. Je me retrouve donc entouré de si bonne heure par une horde de macaques dont la laideur n'a d'égal que leur odeur. Ici aussi, rien d'anormal. Arrivé à la gare, je me ferai un chemin entre les clochards complètement ivres à l'entrée qui harcèlent les voyageurs, et je m'assieds sur l'une des banquettes les moins sales. Mon malheur commence lorsque je m'aperçois que mon train est censé arriver dans 10 minutes, mais que le quai n'est toujours pas annoncé. J'entends alors une annonce indiquant que les portes de mon train vont bientôt se fermer. Pris de panique, je cours un peu dans tous les sens en demandant aux seuls agents SNCF que je trouve de bien vouloir m'indiquer le quai de mon train. Ces derniers, nègres comme l'ébène, me répondent vaguement que c'est dans cette direction sans pour autant lever les yeux de leur téléphone. J'aperçois alors au loin la queue pour y accéder et les contrôleurs. Je cours comme le vent. Je vois que le contrôleur ferme la barrière. Une grosse mama africaine voilée et ses deux gosses arrivent devant moi et je suis temporairement rassuré, car le contrôleur, qui, sans vouloir être répétitif, était noir lui aussi, leur ouvre les barrières et les referme derrière eux. J'arrive à l'heure devant lui, mais il me refuse l'entrée. Mon train partait pourtant 7 minutes plus tard. « Les portes sont fermées, monsieur, on ne prend plus de voyageurs. » Face à tant de mauvaise foi et de nègrerie, j'étais sur le point de forcer le passage, mais ce fut à ce moment qu'arriva une cavalerie simiesque composée de 4 gorilles de la sécurité qui me barrèrent la route. À bout de nerfs, essoufflé, mort de fatigue, j'ai senti alors le nazisme me bouillir le sang, et je leur dis clairement d'aller bien mourir de l'Ebola. Ils se sont alors rués sur moi et m'ont escorté jusqu'à la sortie en menaçant d'appeler la police. Heureusement, je leur ai faussé compagnie à peine dehors. Je vous remercie de m'avoir lu et surtout de rendre justice aux peu de blancs résistants dans ce pays décadent. Vive démocratie participative, Sieg Heil. Alors, c'est Léo Buenamico qui nous livre aussi d'ailleurs la photo des nègres qui l'ont viré en fait de la gare. Oui, alors, ça m'amène à une réflexion, moi, ce courrier. Cher ami blanc. Chers amis blancs qui êtes encore à Paris, qu'est-ce que ça fait de vivre dans un camp de concentration où les gardes sont des nègres? Vous pouvez même pas en sortir. Hein, les nègres disent la porte est fermée, monsieur, la porte est fermée. Hein. C'est flippant. Hein, moi je le prendrais mal. Bah, c'est-à-dire que des nègres ont saboté les vacances du mec, enfin de notre auditeur. Ah bah oui. Alors je pense qu'il a pu reprendre un train plus tard. Il lui sabote son quotidien en plus, hein, très probablement. Voilà, c'est ça. C'est en fait, tu veux t'échapper? Non. Pourquoi? Parce que cette espèce de gros nègre indolent, allez, voilà, et qu'on n'allait pas me faire le coup. Ah oui, mais attention, les noirs sont intransigeants sur les horaires. De grâce. Tu sais, quand tu dis 8h du matin à un Africain, lui, il comprend 16h de l'après-midi, hein. Déjà les latins ont du mal, alors imagine les nègres. non mais vraiment toi, déjà si tu le vois le même jour, t'as du bol, enfin du bol entre guillemets quoi. Mais bon, non mais je compatis vraiment, parce que là commencer ses vacances comme ça, en plus il se lève tôt quoi, tu vois, le mec met tous les, il met toutes les chances de son côté, voilà, bah oui, lui il a tout mis de son côté, mais la République française lui a mis des nègres de l'autre côté, donc ça allait pas bien se passer fatalement. Oui, mais tu sais, il y a aussi une question de caution intellectuelle. Parce que Non mais vraiment, fais l'expérience, demande à quelqu'un ton chemin, et, enfin, tu fais une fausse demande, hein, tu fais une expérience sociale. Il est possible que la personne sache se rendre à l'endroit que tu te demandes, mais elle n'est pas forcément capable de l'exprimer. Parce que ça demande une démarche d'abstraction, tu vois. Il faut être capable d'expliquer, de situer, de se projeter. Et moi, je suis persuadé que les nègres n'en sont pas capables, hein. La projection à le nègre, oui, à part se projeter lui-même, c'est quelque chose qui n'est pas possible d'entendre. Bah, comme je l'ai déjà dit, il faut parler aux nègres comme à des enfants. C'est-à-dire De qu'il 12 ans. faut être descriptif. Il faut pas pousser le nègre. En fait, il ne faut pas parler à un nègre comme à un blanc. Il ne faut pas le pousser à se projeter dans le futur. Il faut toujours être très descriptif et décrire ce que vous avez besoin concrètement et immédiatement, qu'il n'est pas à utiliser. Parce que ça le met en colère. Parce que voilà, il peut pas, il s'énerve, il dit quoi? Il y a une embrouille là, c'est agressif, il se sent agressé quoi. Donc il faut décrire. Il faut décrire. Quelqu'un d'autre sur cette. Bon, bah, j'espère qu'il a quand même passé des bonnes vacances, enfin qu'il a réussi à se rattraper quoi. Bon, j'espère que notre auditeur a réussi à réparer les conneries de ces de nègres. Quand même se rendre là où il devait se rendre et se reposer un petit peu. On l'espère en tout cas. Quelqu'un d'autre sur cette anecdote? Je suis stupéfait. Hein. Enfin, en fait, non, c'est l'Afrique, quoi. C'est Ouais. l'Afrique. Moi, je ne ferai que. Enfin, j'essaie de ne plus foutre les pieds dans la capitale. C'est un cloaque racial. C'est absolument immonde. Conseil pour notre auditeur et pour les autres, parce que bon, ils côtoient les nègres, mais ils n'ont jamais trop vécu avec, quoi. Ils ne savent pas trop ce que c'est hein, la bestiole. Le nègre, quand il te ferme la porte, c'est juste qu'il veut un billet. Hein, c'est un coupeur de route. Donc tu C'est sors pas ton faux, hein. billet et voilà, et puis ça passe. C'est ça la République bananière. Hein, et comme vous êtes en plein dedans, ben c'est comme ça que ça se passe. Mais moi, je reste sur mon idée de camp de concentration. Hein. Il va arriver un moment où les blancs de Paris, parce que bon, les nègres, il faut qu'ils mangent. Donc, ils voient que s'il n'y a plus assez de blancs, les types, bon, toute l'infrastructure, ça va s'écrouler. Donc, les blancs de Paris ne pourront plus s'échapper. Ils auront des visas, ce sera un mur de Berlin, mais autour de Paris. Et les blancs seront forcés. Bah de travailler hein, pour leur liberté, n'est-ce pas? Avec des nègres geôliers. Bon, ce sera assez facile de leur échapper parce qu'ils sont cons comme des balais. Mais Alors, bon, ils essaieront, hein, ils essaieront. les geôliers sont des nègres et seront des nègres. En revanche, les commissaires politiques seront des juifs. Oui, ça nous rappelle une certaine régime. Oui. Et oui. Oui. Bah, Alors, ouais. tu rentres, tu fais, tu deviens contrôleur comment la SNCF? Je pense qu'il doit quand même passer un concours. Enfin, il doit y Piston. avoir un minimum. Non, tu rigoles, tu rentres par piston. Même si quand tu fais comment dire, des demandes dans ces. Moi, alors c'était pas, bon, c'était un truc un petit peu technique, hein, j'avais fait des études qui étaient en rapport à l'époque. J'avais les diplômes qu'il fallait. Ces gens-là ne m'ont jamais répondu à quoi que ce soit, hein, ni bonjour ni merde. Hein. Oui, parce que moi j'imagine que c'est plutôt un métier, bon, c'est pas transcendant, mais c'est un métier du bas de la classe moyenne, quoi, tu vois, un métier. Contrôleur, attends, tu parles de contrôleur de train? Ouais, c'est ça. Contrôleur, c'est en Bah, bas, hein. ouais, c'est en On bas, hein. A eu plusieurs, on a eu au moins deux auditeurs et des courriers de lecteurs de contrôleurs, rappelez-vous. Oui, tout à fait, hein. Dont un qui avait eu une mauvaise expérience avec deux Arabes complètement ivres. Ah oui, TGV. Ouais. Donc, et une jeune femme aussi. Une jeune Ah femme qui était oui, contrôleuse. et du vomi aussi. Et ouais, et ces contrôleurs-là, ils sont au contact de la faune. Donc là, je pense qu'on a plus affaire à du personnel, entre guillemets, de sécurité, de garde. Donc ça, c'est des. Bah, c'est des boulots qu'on donne à ces gens-là, comme l'entretien, etc. Bon, bah, c'est fait, c'est du travail de nègre. Mais par contre, si c'était un frère de race qui était arrivé, ah bon gars, là où là, c'est bon, la porte elle s'ouvre. Hein. Oui, et puis la porte s'ouvre également dans ce genre de boîte. Bien sûr. Parce que le problème, c'est que toutes ces nanas là, qui font des études de genre, j'ai vu qu'à la Sorbonne, je crois, ils ont ouvert un master de genre. C'est que, bon, d'accord, le diplôme ne vaut rien. Si le monde était parfaitement libéral, si on vit dans une dictature libérale, t'as un diplôme qui ne vaut rien, tu ne vaux rien sur le marché du travail, tu trouves pas de boulot. Bon, ça, ce serait le paradis libéral. Mais ça fonctionne pas comme ça. Ces nénettes-là, généralement, ce sont des bourgeoises. Elles ont un réseau, fait qu'il y a le réseau de papa. Et papa, il doit caser sa fille, hein, donc il va lui trouver un bullshit job qui est très souvent lié dans les réseaux RH. Elle finit dans un RH à la con, tu vois, à faire un bullshit job de merde. Vu qu'elle est métissolâtre et SJW jusqu'à la moelle, elle va embaucher du nègre. Quelques années plus tard, un nègre se retrouve à son poste, et que fait le nègre? Il recrute du nègre. Donc c'est un cercle vicieux. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des gens, des nègres totalement incompétents, à des postes qui, en principe, requièrent un minimum de compétences et de savoir-être. Bon. Oula! Avec les nègres, c'est quand même... c'est quand même mal barré. Beaucoup espéré. Ouais. Bah... Ah bah attendez, en même temps, permettez-moi quand même, je te donne la parole Magda, mais permettez-moi de vous dire que le président Emmanuel Macron a dit une vérité tout à fait d'évidence ce week-end à la faveur des commémorations du 75e, de la 75e année après le débarquement de Provence, en disant que la France avait en elle une part d'Afrique. Ce qui est au plan purement territorial, absolument juste. Je veux dire, la preuve. Ils sont même dans les gares. À faire le tri. Les nègres trient les blancs dans les gares maintenant. Oui, tout à fait. Pour le coup, ça me rappelle une époque où. Mais pas tout à fait selon le même scénario, vous voyez, c'est. Bah, si on les laisse faire, c'est ce qui va arriver, hein. Alors non, parce que les mecs sont incapables de programmer l'arrivée d'un train. Ça c'est pas. Ouais, bon, t'auras toujours. Tu vois, ce sera comme en Afrique du Sud, tu vois, il y aura quand même quelques blancs qui seront maintenus par les ethnies noires dominantes pour faire fonctionner la machine. Et avec la Kalachnikov dans le dos, on va dire. Oui, effectivement. À voir, hein, mais... c'est... Oui, non, mais le président Macron a un projet pour la France qui est, en fait, assez cohérent hein, avec les commémorations. Hein, ça consiste à faire débarquer du nègre en France et du bico. Donc, Oui, d'accepter notre part africaine. Moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ah, est-ce que finalement, je suis si français que ça? Quand j'ai entendu ça, le type m'a dénationalisé en fait. Bah ça va devenir compliqué. Alors il y a peut-être une ligne d'opposition entre la Gaule et la France, parce que la France devient quand même synonyme d'Afrique de plus en plus. Hein. En tout cas, je veux dire dans les médias, dans les institutions, etc. Et maintenant au niveau de la présidence de la République, ça devient de plus en plus difficile de distinguer l'Afrique de la France. Hein. D'ailleurs, on nous le dit, hein, voilà, la France est partiellement africaine maintenant. Bon, d'accord. Bon. Peut-être que les Gaulois ont quelque chose à dire, vous voyez. Je propose de créer un front de libération de la Gaule. Oui. Oui. Ça pourrait être intéressant. Alors, messieurs. Science-fiction. Rubrique numéro 2, autisme radical, hein, mais vous allez comprendre pourquoi science-fiction, et ça Bon, ça fait le pont avec ce qu'on a dit un peu avant. Là, je cite donc le Huffington Post. Ce vendredi 16 août, le match entre Nancy et Le Mans FC a été brièvement interrompu à cause de chants jugés homophobes entonnés par une partie des tribunes. Une première dans une compétition de football en France. Pendant la première période, après environ 30 minutes de jeu, l'arbitre Mehdi Mokhtari a interrompu le match pendant quelques minutes à cause de chants insultants envers la Ligue de football professionnel, LFP. La Ligue, on t'encule, ont scandé des supporters. Cette décision inédite pendant un match de football a été prise alors que le speaker du stade, Marcel Picot, avait déjà lancé un premier avertissement. Elle intervient après plusieurs déclarations politiques allant dans le même sens. Début juillet, Emmanuel Macron en personne s'était exprimé sur le sujet, se disant totalement favorable à l'arrêt des matchs en cas de cris homophobes ou racistes. On ne peut pas s'habituer au racisme et à l'homophobie, sous prétexte qu'on soit dans un stade de football, avait-il affirmé dans un entretien à France Info. Sur Twitter, Marlène Schiappa a d'ailleurs salué la décision de l'arbitre ce vendredi, tout comme les associations de lutte contre l'homophobie. La ministre des Sports a, elle, adressé ses félicitations à l'arbitre, ainsi qu'aux délégués de la Ligue de football professionnel, qui ont pris leurs responsabilités. Alors voici ce qu'avait dit Schiappa. Bravo à l'arbitre Mehdi Mokhtari d'avoir interrompu courageusement le match face aux chants homophobes entonnés lors de Nancy-Le Mans, comme le permet le règlement. Le foot est un sport passionnant, il doit le rester pour tous. Là, je cite donc Marlène Schiappa, qui, comme vous le savez, est une folle du cul absolue. Alors, les amis, donc je disais, hein, sacralisation de la sodomie, oui, parce que là, moi, je n'ai pas trouvé de propos homophobes, en fait. J'ai pas trouvé de propos homophobes, j'ai dit « la Ligue, on t'encule ». Bon, alors apparemment, il y a une association maintenant de fait reconnue hein, par l'État, hein, puisque là c'est quand même le gouvernement qui s'exprime, plusieurs ministres, voilà, les autorités constituées, qui assimilent hein, très clairement l'homosexualité à la sodomie. Hein, voilà, donc c'est pas uniquement à l'extrême droite, voilà, c'est comme ça. Et donc, sans même viser explicitement ou implicitement des homosexuels, le fait de dire que l'on va enculer une institution relève de l'homophobie, la sodomie étant désormais une activité sacro-sainte en République française, et donc passible de sanctions si jamais on se moque de cette activité ou si on s'en revendique à tort en tant qu'hétérosexuel. Voilà. Bon, je vois que le football suit une nouvelle trajectoire. On parlait un petit peu avant de reconditionnement social, idéologique, culturel, sexuel. Alors, je crois qu'on est un petit peu là dans quelque chose qui ressemble, on va dire, à l'Union soviétique, mais dirigée en plus par des fiottes, en gros. Hein. Mais on y est. Oui. Alors, moi, j'ai lâché. Hein. Je sais qu'il y a encore un ou deux auditeurs qui doivent suivre le football, hein, je pense. Oui. Alors, on a quand même un championnat de France où les deux équipes, en général, sont composées. Alors, à majorité de nègres. C'était le cas, hein, là. C'était sûrement le cas, effectivement. Un arbitre maghrébin. Le spectacle posé donne envie de vomir. Quoi, hein. Et bon, tu charmes la Ligue. Je sais pas si c'était toujours Thierry ou si c'est un autre maintenant. Enfin bon, ça s'est toujours vu dans les stades. Et là, bon, l'arabe, hein, qui est censé, normalement, hein, ne pas être touché par ces trucs-là, en théorie, eh bien, c'est cet arabe-là qui fait une première et qui va faire du zèle pour l'insémination de sperme sidaïque dans l'anus des enfants. Hein. Donc, bah en l'occurrence, c'était je pense qu'en fait, l'arbitre maghrébin, en fait, n'a pas fait d'association avec l'homophobie. Je pense qu'il a dit, non, je vais faire du zèle, oui, mais pour protéger l'institution qu'est la Ligue en question, et pour me faire bien voir des responsables, en gros. Voilà. Je pense pas, à aucun moment, je pense qu'il a pensé à l'homophobie, là-dedans. En revanche, il y a eu surinterprétation de cette décision par les autorités. Ah ben, la chiappa, elle, c'est... Ouais, mais du coup, ça fait jurisprudence, c'est ça qui est drôle. C'est-à-dire qu'en fait, c'était pas l'intention de départ, mais c'est l'intention d'arriver. Une fois que c'est inscrit. Et vous avez pas remarqué, enfin, j'ai pas cité les commentaires, mais vous avez effectivement les responsables des, les entraîneurs, les responsables des deux clubs, qui se sont morfondus en excuses. C'était pitoyable. Ce sont des... Enfin, les types auraient pu dire, mais attendez, non, mais les propos en question, Alors, je sais pas comment ça se passe dans les clubs en France. Moi, j'ai connu un petit peu l'ambiance des stades à Marseille. Mm-hmm. L'Olympique de Marseille, tu veux dire, hein? Oui, l'Olympique de Marseille, c'était le Vélodrome. À l'époque, quand le gardien adverse faisait un dégagement au 6 mètres, systématiquement, le public... Hein, avant qu'il tire, donc il dit oh, tu vois, et dès qu'il tirait, il s'enculait, tu vois, c'était comme ça. C'est systématique. Dès qu'il y a 6 mètres, c'est systématique. Donc, je sais pas s'ils ont interdit ça, parce que bon, ce sont quand même des gros, enfin, déjà, ce sont des, il y a peut-être pas mal de gris dans ces trucs-là. C'est souvent des rouges aussi. Enfin, c'est exclusivement des rouges, en fait. Et peut-être se sont-ils pliés à l'anus magique qui dicte sa loi. Les stades, c'est clair que pour les ultras. J'aimerais bien savoir s'il y en a qui suivent là, qui nous fassent un petit retour sur les copes à Marseille, les virages nord, virages sud. Est-ce qu'il y a toujours du oui s'enculé ou l'arbitre t'encule aussi à l'époque où. Ouais, non mais imaginez, vous allez priver les Marseillais de leur slogan Paris, Paris, on t'encule. Oui, oui, oui, aussi. Bon, ça, bah, oui, de facto. Bah oui, oui. Alors, moi, je là, pense... Ça, que... Non, mais là, je ça, pense va être... que... ça va être rigolo. Bah là, moi, je pense qu'il faut aller au clash là-dessus. Parce que statistiquement, combien de PD, combien de fiottes dans les stades à regarder les matchs? Rien du tout. Combien de mecs qui vont au stade pour se défouler et pour dire à l'arbitre que c'est un enculé, à l'équipe d'en face, peu importe la couleur du maillot, que ce sont des enculés et que les supporters de l'équipe d'en face sont des enculés. Hein. Bon, voilà, c'est vieux comme le monde. Hein, voilà. Ils y vont pour ça, ils vont pour se défouler, voilà. Ils vont pour se casser un peu les nerfs. Bon. Et on leur dit, non, maintenant vous allez, vous savez, vous aurez... Parce qu'on en avait parlé, je ne sais pas si les auditeurs ont beaucoup fait attention à ce qu'on a dit, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'auditeurs qui suivent encore le football, s'il y a des vrais fans de football, c'est difficile à évaluer. Je sais qu'il y en a, bien sûr. Mais on avait parlé récemment de la mise en place de mouchards dans les stades, très officiellement, hein, annoncé par Chiappa notamment. Donc ils n'appellent pas ça des mouchards, ils appellent ça des référents. Il y en a aussi maintenant dans les commissariats, donc vous aurez des référents dans les stades. Mais ce sont des mouchards, ce sont des gens dont le job consiste à surveiller le public et à dénoncer tel ou enfin, un groupe de supporters ou un individu qui ne respecte pas la ligne politique du régime. Donc si jamais il y a un type qui reprend un slogan qui serait politiquement déviant, même s'il pense pas à mal, il est immédiatement désigné aux autorités du stade qui vont l'expulser, voire le punir, ils vont l'interdire de stade pendant plusieurs matchs, voire ad vitam aeternam. Donc voilà, ça y est, ça commence. Et là, ils vont sanctionner les clubs. C'est tout à fait ça, mais... La République En Marche a besoin des délateurs. Hein. La loi Avia fait appel aux délateurs c'est également. Ça, oui, c'est vraiment ça, c'est frappant ça. Vous savez, vous rappelez, ouais, dans tout le discours antifasciste, c'est constant ça. Ils arrêtent pas de dire, ah oui, rappelez-vous les heures les plus sombres durant l'occupation quand les Français écrivaient des lettres à la police. Ouais, oui. Et voilà, commandant Tour. Mais dans quelle époque de flics on n'est pas, quoi? Moi, je trouve époque de flic. C'est une époque de flic. À l'époque, il fallait prendre un papier, faire son courrier, le mettre dans l'enveloppe, le poster. Là, maintenant, tu as ce qu'on appelle Pharos. Pharos et d'autres trucs. Mais non, là, bon, je suis pas trop au fait là, des dernières... Ouais, enfin, Pharos, ils ont maintenant, si tu veux, le périmètre de leur action est considérablement étendu. Je veux dire, pratiquement à peu près tout maintenant. Parce que ils luttent contre les discriminations. C'est tellement large. Ah bah c'est tout les discriminations. Tu veux pas sucer une bite, tu discrimines. Tout à fait. Ça c'est pour 2020, on va y arriver. Alors bon, voilà, alors maintenant c'est dans les stades. Alors, et bon, comme j'ai dit, je pense que c'était ça part d'un quiproquo, mais comme le gouvernement français l'a réinterprété, le ministère des Sports l'a réinterprété, les dirigeants de la Ligue l'ont réinterprété, et les protagonistes, c'est-à-dire les présidents des deux clubs et les deux entraîneurs, l'ont interprété ainsi, et se sont morfondus en excuses, vous pouvez être sûr que vous allez avoir des arbitres qui vont vouloir se distinguer, d'autant plus que, messieurs, vous n'avez pas pu rater le fait qu'il y a de plus en plus de femmes arbitres dans les stades. Ah, j'ai loupé ça. Ah, il y en a maintenant. J'ai lâché le train avant. Ah bah oui, bah t'as bien fait. Alors donc, il y a des femmes arbitres. Et comme, bon, j'ai pas besoin de revenir sur la psychologie des femmes, surtout vis-à-vis de l'homosexualité. Et des homosexuels plus particulièrement. Masculins. Donc voilà, donc moi je sais pas hein, s'il y a encore des gens qui veulent absolument suivre le football. Imaginez quoi, vous allez dans un stade, tu vois, tu peux plus rien, tu sais, en fait, ils veulent des stades remplis de, comment dirais-je, comment dirais-je, de personnages non jouables, tu sais, des NPC, tu sais, des gens, tu sais, ils ont des gueules de robots, ils sont tous assis et ils se lèvent, tu sais, comme dans FIFA, tu sais. C'est des personnages animés, toi. Ils se lèvent comme ça, mais ils ont pas d'émotion sur le visage, quoi. Ils se lèvent, ouais, on fait une vague, ouais, on fait une vague, tu vois. Non, mais c'est Bien hallucinant. pensant, végétarien, pas alcoolique, pas bagarreur, évidemment. Non, non, c'est. Alors que quand tu connais un peu le public qui se rend Ah oui. dans les stades, ça n'a rien à voir avec ça. C'est pour ça qu'il est urgent de les rééduquer. Bah, Je pense pas qu'ils soient électeurs de Macron. Alors, à l'exception des Arabes qui vont dans les stades et tout, mais les Gaulois qui vont là-dedans sont quand même des gens un peu bruts de décoffrage, hein, je veux dire. C'est pas qu'ils sont racistes, hein, mais bon, je pense qu'ils aiment bien dire PD quand même. Je pense qu'ils aiment bien dire PD. Oui, bon, y a pas de mal à dire qu'un sale PD est un sale PD. Et puis d'ailleurs, bon, est-ce que critiquer que la volonté d'enculer n'est pas quelque chose d'homophobe? Bah, Hein? c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que la sodomie est sacralisée. Tu ne peux pas tourner en dérision le fait de sodomiser. Tu vois? Donc tu ne peux pas dire je t'encule. Tu ne peux pas le dire au deuxième degré, c'est ce que je veux dire. Tu peux le dire au premier degré. Là, c'est très recommandé. Là, les autorités t'y encouragent même. Tu vois? Voilà. Bon, bah. J'ai trouvé ça amusant. Fulbert, cette. Bon, vous n'en êtes pas là en Belgique encore, non? Je crois pas. Enfin. Bah, ça dépend. Si c'est les joueurs nègres, on y est. Hein. Ah oui, ça, oui. Mais bon, il y a eu quelques histoires récemment, enfin ces derniers mois, à propos de cris racistes. Pas tellement homophobes, mais racistes. Là, il y Ouais. en a eu. Ça ne manque pas en Belgique. Oui, bah voilà. Bon, bah, je pense que vous allez pas tarder à voir la propagande LGBT dans les stades. Puis rappelez-vous, là, il y a un mois et demi. Vous savez, il y a le mois des fiertés. Maintenant, le mois des fiertés. Les joueurs devaient mettre, je crois que c'était les capitaines, devaient mettre le brassard Ouais. aux couleurs de la Gay Pride. Hein. Rappelez-vous. Hein. Oui, tout à fait. Et il y avait des joueurs musulmans qui ont refusé. Ils ont pas, ils ont dit non, c'est pas ma culture ou je sais pas quoi et tout. Mais c'était pas obligatoire. Mais ça va le devenir. Ça va le devenir. Voilà. Parce qu'ils ont bien compris, la Licra notamment, si vous étudiez le travail de la Licra consacre énormément d'énergie au stade de foot, parce qu'ils ont compris qu'il y a beaucoup de jeunes, et c'est là que les juifs veulent faire leur travail de propagande. Hein. Donc la Licra mise beaucoup sur le football, donc ils ont des partenariats avec les clubs de foot, donc ils interviennent dans les stades auprès des staffs pour faire de l'antiracisme. Bon, ils prêchent des convaincus, puisque ce sont des clubs qui recrutent quasi exclusivement des nègres ou des arabes à ce stade. Hein. J'exagère un peu, mais si peu. Donc, bon, c'est pas vraiment des temples du racisme. Mais simplement pour les encourager à faire de la délation et du flicage politique. Voilà. Il faut toujours rappeler le rôle perfide, pervers des juifs. Donc, ils sont là. Hein, la LICRA, vous pouvez chercher. LICRA, club, LICRA, stade, LICRA, foot. Vous allez voir que même dans des clubs pas très connus, hein, ils interviennent. La police politique intervient. Voilà. Et dispose donc de mouchards dans les stades. Voilà. Voilà, voilà. Enfin, je répète, hein, sur ce dossier particulier là de ce week-end, moi, ce qui m'a frappé, c'est l'attitude des présidents et des entraîneurs. Enfin, je veux dire, parce que tu sentais que c'était pas sincère. Ah oui, ça les a emmerdés. Hein. Ça les a profondément emmerdés. Non, mais il y a le côté, il y a vraiment le côté Union soviétique. Il y a le côté Union soviétique. Tu sens que les types, tu vois, ils se sentent. Clairement, il y a des commissaires politiques qui leur téléphonent. C'est évident. Et les mecs, quand ils s'expriment, tu vois la façon dont ils s'expriment. Ils disent « nous condamnons, nous avons toujours... » Il y a toujours les mêmes phrases qui ressortent. Tu vois qu'il y a un travail politique qui est fait. Bon, bah, excusez-moi, ça, c'est pas un pays libre. Ça se passe pas comme ça dans un pays libre. Dans un pays libre, le président du stade, il dit ce qu'il pense. Il n'est pas là, oula, il ressort pas la phrase. Vous savez, enfin, les phrases typiques, maintenant, tout le monde ressort à chaque fois qu'ils sont, pris à partie par la police politique et les médias du système, quoi. Voilà, il y a toujours ce type de phrase. Non mais imagine si on se met à contrôler tous les propos de dans le sport ou chez les supporters, parce que ou chez les militaires même, parce que chez les militaires, je pense que t'es pas une gonzesse par exemple. Est-ce que c'est pas misogyne ça? Rappelle-toi du courrier des lecteurs qu'on avait eu d'un auditeur qui était passé par un régiment d'élite, où il t'expliquait qu'il y avait une ligne téléphonique disponible pour dénoncer les discriminations, à savoir le racisme et le sexisme, et qu'il y avait un soldat qui avait été cassé parce qu'une greluche l'avait faussement accusé de misogynie. Ah là là, le progrès. Ah oui, non, mais c'est très avancé, hein, je veux dire, comment dirais-je, on parle des social justice warriors, donc en fait des gauchistes hystériques et des femmes à cheveux bleus, non mais c'est très avancé, hein, c'est beaucoup plus avancé qu'on ne pense, au niveau institutionnel, j'entends. Donc c'est vrai à la fois à l'armée, par exemple, mais aussi dans les associations sportives. Ils sont quand même très forts, hein, parce qu'ils sont pas si nombreux que ça. Mais ils ont un pouvoir de nuisance qui n'est pas proportionnel à leur poids réel dans la société. Ils contrôlent l'appareil d'État et les médias, en fait. Oui, c'est vrai. Mais bon, il faut leur reconnaître ça, tu vois. D'un point de vue propagande, ils sont quand même bons. Bah, ils menacent un peu tout le monde, donc à partir de ce moment-là, si tu veux... Oui, et puis en plus de ça, ce qui est... Comment dire, ce qui est chiant dans l'idéologie victimaire, c'est que t'as pas envie de leur mettre une gifle dans leur gueule de victime, parce que tu justifierais le fait que ce sont des victimes, tu vois. Donc c'est un petit peu leur martingale, c'est que moi ce que j'ai envie, quand je vois tous ces gauchistes déchaînés, si tu veux, j'ai pas envie de m'expliquer par la raison, parce que ça sert à rien. Ah bah non, ça sert à rien. Ils sont totalement irraisonnables. Et je pense que personne ne se sent légitime à leur mettre une claque et à les envoyer dans un camp de travail. Or que c'est ce qu'il faudrait faire. Je veux dire, c'est dans le contexte actuel, mais dans un autre contexte, je pense qu'il y aurait beaucoup de gens qui sentiraient légitimes à les mettre dans des camps de travail. Hein. Bah c'est ce qu'il faut faire. Hein. Toutes ces greluches qui sont en études de genre, je les envoie... je leur fais faire un stage... Au Gabon. À la campagne... À la campagne, même pas au Gabon, la campagne. À la campagne, je leur fais couper du bois, faire la cuisine, dans des conditions de vie, même pas du Moyen-Âge. Elles vont empoisonner ta soupe, mon pauvre ami. Début du 20e siècle. Elles vont mettre de la morora dans ta soupe. Ah non, mais moi je suis convaincu qu'après elles vont se transformer en cuisinière modèle. Oui. Elles vont vouloir rester près du feu. Elles vont devenir beaucoup moins connes. J'ai quand même eu quelques générations d'hygiénisme qui font c'est que ça. Toutes ne seront pas aptes. Bah, sauf si t'es un Aryen sûr de lui et dominateur et qui est au niveau. Et regarde le copain de Luciole. Ah oui, tout est possible. D'accord, mais il faut trouver le mec. Il faut le matériel humain masculin pour obtenir ce résultat. Et féminin, on a dit. Luciole avait fait déjà, s'était orienté dans des études qui n'étaient pas le master en genre c'est ça. Ce genre de conneries. Quoi. Il faut que deux potentiels se rencontrent. Rubrique numéro 3. Le sale juif de la semaine. Machia. Plus belle la vie. Plus belle la vie. C'est par chez toi, ça, cher Derek. Oui, bah, oui. Bon, tu vas, oui. Dans la région. Alors, un acteur atteint de trisomie rejoint la série, Derek. Oui, n'est-ce pas? Le comédien Shamuel Alain Abitbol, atteint de trisomie, va rejoindre le casting de la série phare de France 3 Plus belle la vie, selon la chaîne qui confirme aux Parisiens une information de Pure People. Shamuel Alain Abitbol, qui a déjà tourné ses apparitions, sera à l'écran dès le 21 août, mais l'acteur ne deviendra pas pour autant un personnage récurrent. Selon nos informations, l'intrigue qui le concerne serait basée sur le projet Café Joyeux, des coffee shops tenus par des personnes en situation de handicap. Pure People indique qu'il pourrait ainsi incarner un barman du célèbre bar Le Mistral. Plus belle la vie, qui évoque régulièrement des sujets peu traités dans la fiction, veut en profiter pour parler des personnes atteintes de trisomie. Ce projet est dans les tuyaux depuis longtemps. Depuis 10 mois, on réfléchit à l'introduction d'un personnage trisomique. C'est assez compliqué, car cela suppose que le comédien est un accompagnant, soit très encadré. Mais ça y est, on a trouvé l'histoire, et on se met en quête du bon comédien auprès de compagnies de théâtre qui travaillent avec des trisomiques, déclaré en mars 2019 le producteur de Plus belle la vie, Sébastien Charbit, Alops Shmuel Alain Abitbol a déjà été vu dans le téléfilm français Mention particulière, diffusé en 2017, ou encore dans Meurtre en pays Qatar. Ah oui, vous sentez le pays Qatar? Ah bah tiens, tiens. Oui. Diffusé en juin dernier sur France 3. Alors, oh merde. Je précise, qui a vu la tête de Sébastien Charbit? Ah non, non, je sais pas, je me suis pas penché. Ah bah... Alors attendez, on va inviter les auditeurs à aller voir en même temps, Google. Hein. Bah j'ai le lien, hein, j'ai le lien. C'est simple. C'est Shmuel. Il a un nez d'ouvre-boîte. Ah oui. Moi ce mec-là, tu vois, si je le croise dans un camping, je lui demande d'ouvrir ma boîte de thon. Tu vois. Ah ouais, oh la vache. Oh, oh punaise. Il a le nez crochu et cruel, tu vois. Il a des petits yeux d'oiseau, tu vois. Il a le teint qui tire sur le vert, hein, tu vois. Ah ouais, c'est. Ah, bon, quelle race démoniaque. Alors messieurs, bon, vous avez compris, hein, une thématique quand même de société, hein, l'intégration des personnes handicapées. Il faut être inclusif, donc on va inclure à peu près tout le monde sauf l'homme blanc, hein, on va quand même bien. Oui, parce que je pense que s'il y a des hommes blancs dans la série, de toute façon, c'est soit des skinheads. Oui, j'ai appris ça d'ailleurs dans Plus belle la vie. Enfin, c'est là que j'ai appris quelque chose grâce à Plus belle la vie, c'est qu'il y avait des groupes de skinheads qui persécutaient des Arabes à Marseille. J'avais jamais entendu parler. Ouais, ah bah ouais, bien sûr. T'es pas au courant? Bon, voilà. Et voilà, ça c'est les rôles qui sont alloués aux hommes blancs hétérosexuels, ou alors d'ignobles salopards calculateurs qui persécutent d'honnêtes citoyens arabes qui paient leurs impôts et qui ne demandent qu'une chose, c'est de pouvoir baiser tranquillement des blanches. Voilà, c'est à peu près la seule chose que j'ai retenue comme rôle alloué aux blancs. Il y avait une opportunité peut-être avec les trisomiques, mais comme l'idée c'est quand même un peu de faire pleurer dans les chaumières sur donc, les handicapés pour les faire accepter, éventuellement plus tard, hein, de les faire tourner dans des films pornographiques ou de les faire défiler dans la Gay Pride, hein, parce que je crois que c'est un peu le programme. Non. Là, c'est chasse gardée. Hein. Charbit, il a choisi Shmuel Abitbol. Eh, dis-vous pas, il y a pas des trans, déjà? Comment ça se fait qu'il n'y a pas de trans? Si, si, bien sûr. Ah. Tu as une femme, enfin, une adolescente, bien entendu, une collégienne, hein, qui se fait appeler Michel, un truc comme ça, enfin je sais plus, c'est délirant, quoi. Qui se prend pour un mec. Non, Charles. Charles Branson. Martin. Non, Charles Branson. Charles Branson. Ouais. C'est extrêmement juif, c'est du judaïsme Un lait concentré sucré, quoi. Ce qu'on n'a pas expliqué aux gens, en fait, c'est que c'était c'était le canal francophone de la télévision d'État israélienne, en fait. C'est ça que les gens ont pas pigé. Il y a un décrochage, tu vois. Et les gens, quand il y a Plus belle la vie, non, c'est produit à Tel Aviv. On vous l'a pas raconté, en fait. Ouais, c'est un Zulzinski, un truc comme ça. Qui crée ça, quoi. Enfin, bon, non, mais enfin, non, mais c'est fascinant, quoi. Je veux dire, imagine, il faut trouver un trisomique en France. Ouais, il faut trouver un trisomique en France. Abitbol, un juif. Il y avait déjà eu un essai dans le passé, je vous rappelle. Hein. Rappelez-vous le film Le huitième jour avec Daniel Auteuil. Ils avaient été chercher un trisomique en Belgique, comme s'il n'y avait pas de trisomique en France. Mais bon, passons. Bah, maintenant, ils ont fait mieux. Ah, ben, ils ont vu que ça marchait à l'époque, il y a, oh, je sais plus moi, 12-15 ans maintenant. Et bon, ben, ils ont trouvé un juif, ça va, c'est la qualité supérieure, quoi. Alors par contre, c'est particulièrement vicieux de la part des juifs parce que là, ils ont trouvé le moyen de se déguiser au point où on n'arrive pas à distinguer le juif trisomique d'un autre trisomique. Tu vois? Oui, c'est très pervers. Ils ont les mêmes gueules, on n'arrive pas à les distinguer. Bon, en tout cas, c'est une belle coïncidence. Tout à fait. Oui, non, mais c'est le hasard. Non, ceux qui vont dire qu'il y a des carrières cinématographiques qui seraient, ou des carrières de producteurs qui... miraculeuse, qui serait peut-être due à une forme de cooptation entre juifs. Non, vous êtes des mauvaises langues, vous êtes jaloux. Quelle idée. Vous êtes jaloux. Reconnaître le talent de nos meilleurs alliés, le Tout talent inné, le don offert par Dieu. Bah justement, c'est ce qu'avait expliqué d'ailleurs Attali. Il avait dit oui, l'antisémitisme s'explique très bien. C'est les goy qui sont jaloux parce que nous leur avons donné l'idée de Dieu. Oui, exactement. Oui, c'est la fameuse dette. C'est la fameuse dette que nous avons vers lui. Tout en sachant que, comment dirais-je, il y a qu'un grossiste et la marque est déposée. Ça appartient à la tribune. Bah ouais, c'est ah bah oui. Oui, c'est le principe du monopole. Le juif aime bien le monopole. Hein, bah, monothéisme, monopole, ça rime un petit peu. Hein. Oui, bah oui, mais comme les juifs ont tendance à se confondre avec Dieu, voilà, c'est ça. Quoi. Comment ça, on a tendance à se confondre? Non, c'est Dieu. Oui, oui, oui. Et non, ça va même plus loin, parce que pour lui, à partir du moment où les gens ne sont pas suffisamment reconnaissants envers le génie du peuple juif, Il a expliqué très clairement, c'est le début de l'antisémitisme. Oui, c'est le début de l'antisémitisme. Et pour lui, il y a un lien, en fait. L'antisémitisme, voilà, c'est une gratitude refoulée. Quand les gens refoulent la gratitude qu'ils doivent au peuple juif, ah, oui, alors donc, ils deviennent coup, antisémites. Plus tu es antisémite, plus en fait, tu sens que tu es redevable au peuple juif, c'est ça? Parfaitement, oh, c'est tout à fait ça. Et que tu le refoules, que tu le caches en fait. C'est fascinant d'être aussi hermétique à toute forme de critique quand même. Ils ont des trésors d'imagination quand il s'agit de comment dirais-je, d'esquiver la moindre critique. C'est-à-dire que ces gens-là ne connaissent pas l'autocritique. Ça n'existe pas chez eux, visiblement. Une notion totalement inconnue. Bah, c'est un peu le principe aussi de la vérité révélée. Hein. À partir du moment où c'est une vérité révélée, il n'y a pas besoin de la contester. Hein. Bon, voilà. Ouais, c'est le peuple élu. Voilà. Jéhovah a parlé. Bon, ben... N'oublions pas que les goïms sont faits pour servir les juifs. Tout à fait. D'ailleurs, techniquement parlant, hein, et là, excusez-moi, je parle en connaissance de cause, hein, vraiment. Hein, je me suis un petit peu renseigné sur l'affaire. Alors, au terme du judaïsme orthodoxe, hein, notamment des Lubavitch, hein, je tiens à vous dire une chose. L'âme de Shmuel Abitbol est supérieure à celle de n'importe quel blanc doté d'un QI de 180. Son âme est supérieure. Parce que son âme recèle des parcelles divines. Déjà, il a une âme. Oui, alors c'est débattu. C'est débattu. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des niveaux d'âme. Alors, en fait, il y a l'âme de l'homme, et j'ai envie de dire, il y a l'âme du sous-homme. Alors, l'âme du sous-homme, c'est l'âme du goy. Oui, du bétail, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis ensuite, bon, il y a l'humanité, bon, qui, bien évidemment, est en toute logique, circonscrite donc au peuple juif. Ce qui fait que Shmuel est humain. Là où vous, humain, complètement humain, et supérieurement humain, divinement humain, là où l'homme blanc, difficilement, à tâtons, essaye d'approcher un peu ce que pourrait peut-être être une forme humaine, vous voyez. C'est une forme d'hominidée. Voilà, là, donc c'est une... Bon voilà, c'est un chimpanzé amélioré. Voilà. Bon, voilà. Bon, c'est une discussion intéressante de spiritualité juive, hein. Je laisse nos auditeurs méditer là-dessus et élaborer. Pause musicale et on se retrouve tout de suite après pour notre deuxième partie d'émission. Nous revoici pour cette deuxième partie d'émission de Démocratie Participative, saison numéro 4, épisode 33. Alors, peut-être avant d'entamer la discussion de la semaine, on pourrait revenir sur un fait récent d'actualité qui n'a pas été traité, en fait, par les grands médias français. Donc, c'est passé totalement sous le radar. Aussi, je pense que c'est opportun d'en faire part à nos auditeurs. C'est révélateur de la tendance, de l'ambiance générale. C'est le refoulement à la frontière française d'une Britannique qui s'appelle Madame Chablose. Madame Chablose, en fait, qui est une personne qui est une artiste à l'origine et qui est quelqu'un qui, en fait, ne souscrit pas du tout à la version officielle de l'extermination par Adolf Hitler de 6 millions de juifs dans des chambres à gaz homicides grâce à un insecticide dénommé Zyklon B. Voilà. Donc elle n'y croit pas, ou pas du tout, ou pas dans ces termes. J'ai pas... Il est autorisé de ne pas y croire, d'ailleurs. Voilà. Oui, il est autorisé de ne pas y croire, oui, ce qui n'est pas le cas en France. Et elle s'était permise, de faire une chanson satirique, de se livrer à une satire, de la sacralisation médiatique et politique donc du mythe de l'Holocauste. Bon. Indépendamment de ce que chacun en pense, j'estime que c'est sa liberté intellectuelle, et comme l'a bien dit Derek, c'est parfaitement possible, enfin c'était parfaitement possible au Royaume-Uni jusqu'à une date très récente, car elle a été condamnée au Royaume-Uni pour propos offensants. Alors, elle n'a pas été condamnée à une peine de prison, mais elle a été condamnée à une peine d'amende. Voilà. Bon. Bien. Donc, c'est une femme qui n'est pas... Enfin, je veux dire, c'est une femme qui ne ferait pas de mal à une mouche, hein, si vous voulez. Faut bien se comprendre. Au pire, ses détracteurs peuvent détester ce qu'elle dit, voilà, ou gênant. Enfin, c'est pas quelqu'un qui inspire la peur ou que sais-je. Hein. C'est pas une activiste politique. C'est une personne qui fait partie plutôt du monde de l'art à l'origine, je veux dire, et qui a quand même un tempérament assez littéraire, dirais-je. Vous voyez où je veux en venir. Et c'est quelqu'un qui est venu, qui se rendait en France pour visiter des proches il y a 2 semaines, je crois, et qui, à son arrivée à Paris, par le train. Puisqu'elle a traversé la Manche par le train, à son arrivée à Paris, les gendarmes l'ont refoulée et lui ont signifié qu'elle était interdite de territoire français jusqu'en 2059. Donc, je répète, le crime, entre guillemets, de cette femme est d'avoir chanté devant sa webcam, parce que j'ai pas spécifié ça, mais une chansonnette satirique sur l'Holocauste, qui a été vue par, je sais pas, quelques milliers de personnes, mais assez peu. Donc c'était une espèce de chanson potache que l'on aime ou que l'on n'aime pas, mais qui n'était pas même pas à grand public, si vous voulez. Bon. Et ça a justifié de la part du Quai d'Orsay, puis du ministère de l'Intérieur, une interdiction pour 40 ans du territoire français à cette Britannique. Ce qui revient pour cette femme, qui a maintenant, je crois, 54 ans ou 55 ans, ce qui revient pour cette femme, en fait, à une interdiction à vie. Bon, je sais que les miracles de la médecine continuent de faire effet. D'ailleurs, bon, je suis pas devin, hein, que Dieu lui prête vie le plus longtemps possible, mais bon, ça reviendrait quand même techniquement, en tout cas à cette date, au moment où je parle, à une interdiction à vie. Alors, ça, c'est à ma connaissance. Donc, je ne demande qu'à être corrigé, mais c'est la première fois que j'entends parler d'une interdiction prononcée contre une personne sur une échelle de 4 décennies pour avoir chanté une chanson jugée déviante. C'est la première fois que je sais même, enfin, j'étais pas au courant que ça puisse être fait. Si tu veux, bon, non, je ne savais pas. L'habitude, oui. Oui, on a l'habitude que la France soit un pays ouvert aux 4 vents, surtout si le vent vient d'Afrique. Hein. L'interdiction de quelqu'un, alors on a vu ça pour Jared Taylor en France notamment. Alors Jared Taylor, qui est le Europe, précise un peu qui c'est, là, vite fait, juste pour que les gens situent un peu. Un intellectuel américain. Bon, c'est un intellectuel américain qui gère De l'association droite. américaine Renaissance de droite. Renaissance, oui. Qui est Il a, il, qui... de droite, la droite blanche, Américaine, intellectuelle. voilà. Voilà. Mais qui n'a jamais, je tiens à le préciser quand même, parce qu'il n'a jamais tenu de propos antisémites. Jamais. Et le motif de son interdiction de territoire, c'est d'avoir s'être exprimé dans les pays baltes, lors d'une conférence, invitée donc par des baltes, où il avait dit qu'il fallait refuser l'immigration de remplacement. Voilà. Et cette conférence a justifié son interdiction de territoire pour toute l'Union européenne. Je ne me rappelle plus sur une durée de combien de temps, mais une durée assez significative, hein. Je crois que c'est... Enfin, c'est plusieurs années, hein, de toute façon, hein. Et Richard Spencer, de la même façon, qui gère un autre groupe, qui est un Américain, qui gère un autre groupe de réflexion américain et de la droite blanche aussi. Là encore, c'est pas quelqu'un qui a appelé la violence ou quoi que ce soit, ou qui aurait des liens avec un groupe terroriste ou quoi que ce soit, pas du tout. Ce sont des gens de ce qu'on pourrait appeler de droite ou d'extrême droite, selon la phraséologie en vigueur, mais qui se tiennent uniquement sur le champ intellectuel et médiatique, c'est tout. Et ils ont interdit de territoire. Mais effectivement, là, c'est nouveau, hein. Oui, 40 ans. 40 ans, j'en appelle là à nos amis qui font auditeurs qui font du droit, savoir d'où ça sort ce truc, quoi. Bon, est-ce qu'il y a besoin d'avoir un jugement pour interdire quelqu'un de 40 ans? Est-ce que c'est. Enfin, C'est régalien, donc ça je pense que mérite c'est. questionnement, quand même. Oui, mais 40 ans, 40 ans. Ouais, c'est vrai. Bon, Et à mon Je avis, sais pas. ça va vite appeler une interdiction du territoire de toute l'Union européenne. Oui, non, mais la prison, même la prison à vie, si tu veux, c'est peine de sûreté, je crois, c'est 20 ans. Tu n'as pas Oui, oui. d'interdiction, enfin, de juge, tu n'as plus, en tout cas, depuis qu'il n'y a plus la peine de mort, il n'y a pas y a rien qui soit définitif. Bah Sur une durée là, il peut telle, jouer. quoi. Là, 40 ans, oui. c'est délirant. Donc, oui, Donc, j'aimerais bien savoir un petit peu ce que alors, de quoi il en retourne. dans un autre sens, il y avait Lauren Southern, donc, qui est une jeune femme, une vidéaste, on va dire, qui faisait des reportages sur les questions d'immigration, de sécurité ou d'islamisation en Europe et même en Afrique. Enfin, voilà. Elle a arrêté ses activités dues à la pression, notamment montante, notamment sur YouTube, parce que ses vidéos étaient bon, clairement démonétisées. Il y a eu d'autres problèmes, mais bon, c'est autre chose. Mais ce qui nous intéresse, enfin, ce qui m'amène à parler d'elle, de cette jeune Canadienne, c'est qu'elle faisait un reportage sur l'immigration entre la France et l'Angleterre, et notamment les migrants qui essayaient de rejoindre l'Angleterre depuis la France, en venant d'Afghanistan et d'ailleurs. Donc elle s'était rendue à Calais, notamment, et quand elle a essayé de se rendre en Angleterre, les Anglais lui ont stipulé qu'elle était interdite de territoire britannique. Alors, ce qui est frappant, c'est qu'en tant que Canadienne, elle fait partie du Commonwealth, c'est-à-dire que le chef de l'État canadien, C'est la reine d'Angleterre. c'est la reine d'Angleterre, ce n'est pas le Premier ministre du Canada, hein, c'est la reine d'Angleterre qui est le chef de l'État canadien. Donc en tant que Canadienne, il faut quand même l'observer, c'est-à-dire pour des raisons purement politiques, c'est-à-dire qu'en fait, en raison de ses activités de vidéaste à droite, elle a été interdite de territoire britannique. Et ça a été aussi une mesure qui a été prise contre une autre jeune femme qui s'appelle Pettibone. J'ai oublié son prénom d'ailleurs, je crois que c'est une Américaine, qui faisait aussi des reportages un petit peu à sa façon de ce type-là. Elle était proche de Lauren Southern, elle a également été interdite de territoire à peu près à la même époque. Donc tout ça pour dire que quoi? C'est-à-dire qu'on voit, premièrement, ça a commencé avec des Américains et des Canadiens. Les Américains et les Canadiens se sont fait interdire de territoire. D'abord dans des États individuels en Europe. Richard Spencer, il a d'abord été interdit de Viktor Orban. Alors, pas à l'initiative d'Orban, hein. C'est-à-dire que la Hongrie a reçu des conseils très appuyés, évidemment, de qui vous savez, c'est-à-dire des Juifs. Donc Spencer interdit du territoire européen. Ensuite, Jared Taylor, un profil beaucoup moins. Enfin, il est controversé, mais il n'est pas radical au sens où on l'entend traditionnellement. Et c'est pas un antisémite. Donc il a pas, je sais pas, il s'est pas livré à des propos provoquants, sur les questions comme l'Holocauste ou que sais-je. Ça n'a pas dispensé d'être interdit de territoire pour avoir simplement dit qu'il fallait que les Baltes continuent à s'opposer à l'immigration. Imaginez. Bon, viré. Lorenz Southern, Petit Bon, etc. Bon, vous allez me dire, oui, bah bon, Amérique du Nord, très bien. Bon. Là, maintenant, c'est des Britanniques qui ne peuvent plus visiter la France. C'est pris une décision française. Là, c'est motivé par l'antisémitisme, entre guillemets. Vous avez vu quelle forme d'antisémitisme, hein. Je veux dire, c'est pas quelqu'un qui a menacé, je sais pas, de commettre des actes violents contre une synagogue ou ça. Non, c'est quelqu'un qui a poussé la chansonnette sur YouTube. Bon, voilà, c'est de ce niveau-là, quoi. Hein. Bon, le seuil de tolérance du système à la satire, à la critique, se réduit comme peau de chagrin. Et maintenant, quand vous voyez les nouveaux dispositifs, qui sont extrêmement récents, parce que on le mesure pas assez, je trouve, mais avec les réseaux sociaux, l'intégration progressive entre les réseaux sociaux et les gouvernements occidentaux ou l'Union européenne, notamment des données, les partages des données, les protocoles qu'adoptent les polices, etc., et ceux qui sont déjà adoptés, vous voyez qu'en fait, ce qui est en train de se former, c'est, pardonnez-moi l'expression, mais c'est un KGB européen. Donc il y a un KGB européen avec des moyens que le KGB n'aurait même pas pu envisager, je veux dire, en termes de surveillance de masse. C'est des moyens inédits. Bon. Et maintenant, on rentre dans la phase d'application des conséquences de la surveillance. Alors, comme toujours, on commence, vous savez, avec les gens, parce que quand on prend ce genre de mesures, on commence toujours avec les cas qui, du point de vue de l'opinion publique moyenne, donc du point de vue des normies, comme on dit, sont jugés indéfendables. Oh, elle a chanté une chanson sur l'Holocauste à caractère satirique, elle s'est moquée des gars, alors comme pour 95% des gens qui sont encore sous l'emprise du mensonge. Bon, ils prennent ça pour argent comptant, ils disent, il faut être fou, il faut être taré, etc. Tant mieux. Ça commence comme ça. Ça veut dire quoi? Le principe est validé. Le principe est validé, tout le monde est d'accord. C'est marrant quand même que ces juifs soient allés chercher une vidéo YouTube, qui, ouais, comme tu dis, qu'ils aient été ultra confidentiel. C'est-à-dire que c'est Youpen, là, ils sont là à chercher le moindre blasphème, quoi, envers eux, envers Dieu, en fait. Hein. Et ils deviennent complètement fous. Et donc, dès qu'ils trouvent quelque chose, s'ils peuvent remuer le monde entier pour chier quelqu'un, ils le font. C'est-à-dire que là, tu as des espèces de rats qui sont là à scruter l'Internet, le YouTube, les réseaux sociaux, pour trouver un type qui puisse s'identifier comme étant mécréant et qui vont dénoncer à la... Donc, au grand rabbinat pour que voilà, ouais. Donc là, en l'occurrence, cette nana soit interdite partout, quoi. C'est sale juif. On parle du salafisme, mais on parle pas assez du salafisme juif, en fait. Hein. Oui, ça s'appelle le judaïsme orthodoxe. Oui, c'est ça, voilà. Donc, sauf que celui-là, il est au pouvoir. Oui. Voilà, c'est la différence. Donc, le salafiste que vous connaissez avec sa barbe, lui, au maximum, il gère une rue, vous voyez. Le salafisme juif, donc le judaïsme orthodoxe, lui, il gère des gouvernements, il gère des centres financiers, il gère des cartels médiatiques, vous voyez, c'est pas tout à fait la même influence, quand même. Hein. Et donc, voilà, effectivement, quand un rabbin est un petit peu mal à l'aise, un coup de téléphone, voilà, il y a Avi qui téléphone à Shlomo, Shlomo téléphone à David, et David téléphone ensuite à Abigail, et la décision est tombe, voilà. C'est marrant, hein, il y a le téléphone arabe, mais on parle pas assez du téléphone juif, vous voyez. Ouais, alors, de fil en aiguille, ça arrive au Quai d'Orsay, quand même. Bah voilà, c'est quand même un petit peu inquiétant. Hein, bah, c'est ce que je veux dire, c'est-à-dire que... Très, très inquiétant. Imaginez, quoi, une Britannique pousse la chanson sur YouTube, ça doit faire 2000 vues à tout péter, où elle rigole un petit peu toute seule sur l'Holocauste. Bon, machin. Ça termine sur le bureau du Quai d'Orsay, vous êtes interdit de territoire pendant 40 ans. Qu'est-ce que ça va être quand ça va concerner des gens qui sont de vrais activistes politiques, j'ai envie de dire. D'accord ? Donc on voit, en fait, il suffit de mesurer ça, il suffit de regarder la réponse disproportionnée du système, aujourd'hui et en 2019, à la moindre forme de critique, d'irrévérence, c'est tellement disproportionné, qu'est-ce que ça traduit? C'est pas un système qui est sûr de lui, ça. Un système qui est sûr de lui, sûr de sa force, sûr du contrôle qu'il exerce sur les masses, il se permet pas comme ça de faire des choses aussi extravagantes. Quand on fait des choses aussi extravagantes, c'est qu'on cherche à impressionner. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nos amis rabbins sont très inquiets. Très, très inquiets. Parce que ces gens, ils savent que de manière cyclique, oui, les foules se rappellent à leurs bons souvenirs. Il y a des mouvements de population qui se font. Et la dernière émigration des Juifs, oui, bah, commence à se faire un petit peu vieille. Voilà, et puis c'est une population vieillissante aussi. Hein, c'est, voilà. Donc voilà, donc ils essayent d'impressionner. Alors, je note quand même l'implication de la France dans ce coup-là. J'ai simplement envie de dire un truc, là, ça c'est à l'adresse de nos auditeurs. Il faut que vous compreniez un truc. Hein. Là, je passe sur un autre sujet, mais c'est lié. Et je reviens ensuite sur le sujet de départ. Braze Info, qui est un site d'information bien connu, qui est à la fois situé en Bretagne et qui parle des affaires bretonnes, mais qui parle aussi des affaires françaises et des affaires européennes et mondiales même, hein, qui les traite en tout cas. Un site très populaire. Ils étaient indexés sur Google News. C'est pas un site provocateur. C'est pas un site qui a même été une seule fois condamné par la justice. C'est à observer, ça. C'est un média qui a 6 ans, je crois. Bon. Un média de 6 ans, jamais condamné par la justice, même en diffamation, rien. Bon. Ils ont été jetés de Google Actualité. Google Actualité, si vous êtes classé sur Google Actualité, ça va vous figurer parmi les actualités de Google. Et vous avez des gens qui s'abonnent, vous savez, aux actualités. À la fois sur un sujet, sur des mots-clés, sur un site, voilà. Ils reçoivent les alertes info, quoi. Bon. Quand vous êtes viré de ça, en tant que média, votre couverture, votre audience diminue considérablement. Pourquoi j'en parle? Parce que jusqu'à présent, les sites qui étaient visés, c'était les sites qui étaient considérés comme radicaux, etc. Vous voyez bien que le périmètre se réduit progressivement. Et si au début c'était réservé, comme je le disais pour les cas de Madame Chabloz, à des cas jugés comme indéfendables par les modérés, parce que les modérés sont des idiots en fait, les modérés ne prendront jamais défense des plus radicaux en se disant « Ah, si on prend la défense des radicaux, on va être mis dans le même sac et ça va nous tomber sur le nez. Donc on va se dissocier d'eux. » Et comme ça, on va passer sous le radar. C'est pas comme ça que ça marche. C'est précisément parce que les types se solidarisent pas dès le début que le système se dit on peut appuyer. Et c'est ce qui se passe. Alors, dans le cas de Braze Info, c'est pas de leur faute, parce que bon, ça leur tombe sur le nez, mais d'autres médias vont se faire jarter comme ça progressivement. À tel point que, pour le moment, un média comme Valeurs Actuelles, ils ont encore l'attitude pour faire ce qu'ils font. Pourquoi? Ils courtisent de manière absolument obscène les juifs, premièrement, et ils ont des relais au sein des républicains. Donc de la vieille droite gaulliste. Ça va durer le temps que ça va durer, c'est-à-dire le temps que ces vieux machins auront encore de l'influence. Quand ils auront disparu, et ça va pas tarder, quand ils seront totalement nettoyés par Macron, vous allez voir combien de temps Valeurs Actuelles va pouvoir parler d'islam, etc. Vous allez voir, et je parle même pas de la démographie. Donc tout ça est en cours. Alors pourquoi je faisais allusion à Braze Info et au fait qu'il ait été récemment écarté de Google Actualité, alors qu'il n'ait jamais été condamné par la justice, même pas considéré comme un site d'extrême droite? C'est parce que on rentre dans la phase dure maintenant. Sur les années 2020-2030, on rentre sur la phase dure du système, qui est en crise profonde. C'est une vraie crise politique, une crise économique, une crise sociale, c'est une crise raciale. C'est une crise culturelle, une crise générationnelle, enfin, c'est une convergence des crises. Le système, et ça fait le lien avec ce que je disais, est de plus en plus sensible aux manifestations d'opposition, même les plus modérées. Donc, il ne prend plus de gants. Donc là, il y a un petit côté brejnevien qui pointe. Voilà. Et pour en revenir, donc ça, c'est la liberté de circuler de l'information, d'accord ? La liberté de circuler des personnes en Europe. Je ne parle pas des métèques qui arrivent de je ne sais où, vous avez vu, ils ont toutes les facilités, on leur déroule le tapis rouge, on affrète même des bateaux. Vous n'avez qu'à remarquer. Non, pour les opposants blancs d'Europe, c'est pas le même traitement. Et je pense que, et c'est ce que j'ai dit à Fulbert un petit peu avant de commencer, qu'on arrive vers un moment où on va vers un rideau de fer mou en Europe. Et d'une manière générale, ce vers quoi on va en Europe, c'est l'Union soviétique en version molle. C'est pas la version dure de l'Union soviétique, c'est la version molle. Hein, la version mollusque de l'Union soviétique. Et donc, je pense que les personnes, les Français, mais les Européens en général, ne pourront pas sortir de l'Union européenne comme ils voudront. On ne pourra pas sortir comme ça pour dire... Allez, salut, je vais trois mois au Chili, je reviendrai après, peut-être. Non. Non, non, non, ça se passera pas comme ça. Non, non, il y aura des. Vous devrez remplir des formulaires. Vous partez combien de temps? Où comptez-vous visiter? Qui allez-vous rencontrer? Vous voyez? Je dis pas que ça va se passer dans l'année qui vient, hein. Mais sur les 10 ans qui viennent, oui. J'en suis certain. Si le système reste comme il est, c'est certain. Vous aurez ce type d'obligation. Je parle évidemment pas du fait que vous serez, grâce à vos téléphones portables, suivi en permanence, les mouvements financiers, etc. Tout ça, c'est déjà le cas, hein, mais ça deviendra reconnu et ça deviendra politique publique. Donc il deviendra difficile de sortir d'Europe. Donc ce qu'on voit, et avant le Brexit, parce que le Brexit se précise là, on voit que les Britanniques ne peuvent plus rentrer en Europe comme ils veulent. Sur des cas politiques. Comme ici, même anodin. Alors, c'est le premier cas. Mais attendons encore un peu. On va en découvrir d'autres. Sortir d'Europe et les Américains, les Nord-Américains qui veulent venir en Europe. Alors, on a parlé des cas politiques, mais est-ce que vous savez qu'en 2020, 2021, vous aurez de facto le rétablissement d'un visa avec ces pays ? L'Union européenne dit que ce n'est pas un visa. Dans la réalité, c'est un visa. Si les formulaires requis par l'Union européenne ne sont pas signés, vous ne pourrez pas monter dans l'avion au départ de New York ou au départ de Toronto. Donc, c'est un système qui s'effondre. C'est un système qui, comme le système qui s'effondrait en Allemagne de l'Est, a dû recourir à la création de murs. Il ne faut pas que les gens partent. Il ne faut pas que n'importe qui puisse rentrer. Donc, je tiens à le dire ici avec insistance, parce que si vous avez des projets qui concernent, pour certains d'entre vous, hein, professionnels, l'expatriation ou autre, voilà, ou qui impliquent d'aller à l'étranger, si vous devez vraiment le faire, ne mettez pas ça à demain. Hein, parce que demain, vous ne savez pas dans quel territoire juridique vous vous trouverez. D'accord ? Donc, pendant que vous pouvez encore, faites-le. Vous avez peut-être 5 ans pour le faire. Mais vous n'avez, à mon avis, vous n'avez pas 10 ans pour le faire. Donc réfléchissez-y bien, c'est très important. Voilà. Donc je tenais à insister un petit peu, c'était un peu l'occasion d'en parler, parce que vous n'entendrez ce type de discussion, vous n'entendrez pas ailleurs. Parce que les gens voient pas les trains arriver, même si on les annonce très longtemps à l'avance, il suffit de regarder les signaux, c'est pourtant clair. Mais ça arrive. Ça arrive à très très vite. Très très très très vite. Quelqu'un veut-il rajouter quelque chose là-dessus? Oui, petit... tu as parlé de Braise Info. Tu as aussi l'initiative. Le harcèlement juif des... Oui. Des sites du genre Breitbart aux États-Unis, mais là en France, c'est... Oui, ce sont des sites... Boulevard Voltaire, ouais. Oui, ce sont des sites, Boulevard, il faut le préciser, Voltaire. Ce sont des sites pro-juifs, attention. Voilà, des sites pro-juifs, mais bon, qui quand même ne sont pas... ce sont des sites qui ne sont pas dans le cosmopolitiquement Enfin, ils sont pas 100% cosmopolites, on va dire. Voilà. Il y a à boire et à manger. Tu as aussi des juifs qui racontent des saloperies, bien sûr, dedans. Mais donc, tu as des comptes Twitter spécifiques, même se mettent à plusieurs, quoi. Et ils voient qu'il y a des publicités sur ces sites-là. Et ils contactent les annonceurs en mode oui, alors comme ça, vous soutenez la haine, c'est dommage, etc., etc. Et puis bon. Comme ces trucs-là sont en général ne veulent pas faire de vagues, ben ouais, ils coupent quoi, ils coupent les annonces. Bah, c'est la vieille tradition juive du blocus Oui, économique. voilà, exactement. Oui, c'est ça. Oui. Donc ça a appelé à se développer de plus en plus pour tout ce qui va, qui ne va pas être dans le Dans la ligne, dans la ligne, ouais. Dans la ligne qui est de plus en plus radicale, on en a parlé au départ, quoi. Notamment avec le cas des fiottes, hein, les matchs de foot, etc. Bon, il y a une radicalisation du pouvoir. Donc, ce qui était toléré il y a 5 ans, il y a 10 ans, ce qui est encore un peu toléré maintenant, ben, ça le sera de moins en moins, hein. C'est mathématique. Moi, ce que je dis, hein, c'est alors, la liberté de circulation des personnes. On s'entend, je ne suis pas un radical sur ce sujet, je ne défends pas la liberté de circulation des personnes étendue à la planète entière, bien évidemment. Mais il est entendu que en Europe, les Européens doivent pouvoir voyager d'un pays européen vers un autre pays européen en étant européens eux-mêmes ou même d'Amérique du Nord, etc. Voilà, bon. Ça me paraît clair, ça ne me paraît pas poser de problème. Ça, ce qui nous paraît un acquis, je veux dire, poser la question aux gens, on a l'impression que ça existe depuis Cro-Magnon, vous voyez. Non, non, non, non, c'est à l'échelle de l'histoire, même occidentale, c'est très récent. C'est très récent et le pouvoir n'est plus intéressé. Le pouvoir n'est plus intéressé. Donc regardez bien comment ces gens qui font des procès d'intention à Trump. En protectionnisme. D'ailleurs, c'est assez juste, hein, Trump est un protectionniste. Mais on se dit, oh, mais il remet en question la liberté de circulation des marchandises, des biens, des flux financiers, etc. Bah, regardez-les politiquement comment ils se comportent. Rappelez-vous les procès qu'il faisait à Orban, qui se contentait simplement de vouloir contenir des extra-européens illégaux. Non, mais comment il remet en cause Schengen, etc. Regardez, des citoyens britanniques ne peuvent plus venir en France. On s'en fout de l'excuse, parce qu'en fait, l'excuse est bidon, de toute façon, ça crée des précédents juridiques. Or, regardez bien tous ces gens qui disent, voilà, non, ils veulent exercer un contrôle politique sur leurs frontières. Ça, c'est une tendance de fond. Ils peuvent dire que c'est de la faute de l'extrême droite, ils peuvent... Écoutez pas leur baratin. Ils veulent exercer leur contrôle aux frontières. Mais c'est pas dans les mêmes buts que nous. Eux, ils veulent contrôler leurs frontières, c'est pas pour empêcher les nègres ou les Algériens de venir s'étaler partout. Hein? Et prêcher le Coran. Non, non, non, c'est pas ça. Au contraire, eux, ils sont bien vus. Non, c'est pour que les Blancs ne se défendent pas. Encore une fois, la même chose. J'insiste, hein? Donc là, il faut que vous soyez. Je sais, en plus, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui sont plus en France. Qui écoutent l'émission sont plus en France. Il y en a qui sont en Russie. Il y en a qui sont en Roumanie. Il y en a d'autres en Pologne. Il y a des jeunes qui nous écrivent, il y a encore un jeune qui allait s'établir en Pologne, etc. Moi, je ne juge pas. Hein, ça, c'est la liberté des individus. Ils s'installent là où ils peuvent, là où ils veulent, compte tenu de leur situation professionnelle particulière. Bon, voilà. Donc, il y a des gens qui sont déjà en dehors de France. Donc, c'est ça que je veux dire. Je veux dire, pour l'instant, vous pouvez encore vous déplacer comme ça. Je peux vous dire que ce n'est pas garanti ad vitam aeternam. Loin s'en faut. Voilà. J'ai envie de solliciter Fulbert, quand tu vois ça, parce que toi, t'as plus de recul que nous. Toi, t'as connu déjà la guerre froide, l'époque où on pouvait pas comme ça passer d'une frontière à une autre, les mains dans les poches, en Bermuda. Hein, toi, t'as connu ça. Quand je dis ce que je dis, toi, ça te paraît tiré par les cheveux, ça te paraît possible. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, ben écoute, possible, certainement, mais je ne sais pas jusqu'où il pourrait aller, parce que c'est très bien tout cela, mais ça va générer des réactions de toute façon, qui ne seront peut-être pas très visibles, mais il y aura des réactions. Il y en a déjà peut-être maintenant. Je ne sais pas s'ils ont, en quelque sorte, les reins suffisamment solides que pour réellement nous entraîner dans quelque chose qui pourrait ressembler à l'URSS. Peut-être que oui, je ne sais pas, mais ce ne sera pas facile. Alors toi, il faudra nourrir les nègres, hein. Pour moi c'est évident. Donc si à un moment donné les blancs ne veulent plus le faire, ils le feront quand même. Voilà, c'est ça. Il y a ce côté coercitif. Mais tu vois, Fulbert, toi par exemple, sans te demander de détails particuliers, mais est-ce que tu as déjà franchi des frontières entre la zone communiste et la zone occidentale durant la guerre froide, ou juste après? Non, parce que je dois bien reconnaître que j'ai toujours été un petit peu à côté dans ma vie des événements et des situations. Je m'explique, j'étais militaire, professionnel. Et donc, aller à l'Est dans une armée de l'OTAN, c'était hors de question. D'autant plus que dans les armées, à cette époque-là, et c'est sans doute encore le cas maintenant, on vous classifie en fonction de ce que vous savez et que vous pourriez révéler. Bon, et moi, mon niveau de ma classification m'interdisait de passer à l'Est, même en vacances. Ça, c'est un. Quant aux situations, là, c'était un peu différent du sujet traité, mais pour la même raison, parce que j'étais militaire, je suis passé à côté de tout ce qui s'est passé, disons, des événements des connus de cette époque, et dont je crois nous allons parler tout à l'heure. Mais enfin, voilà. Non mais c'est intéressant parce que c'est pour dire qu'en fait l'idée que la libre circulation et la non-surveillance politique est un acquis est une idée totalement récente qui paraît une évidence mais qui ne l'est pas du tout. Ce que je voulais dire. C'est un acquis qui est tant que ça a son utilité pour certaines personnes. Quand ça ne sera plus utile et que voire même ça sera néfaste. Ce sera progressivement annulé, et puis on aura des rois du souverainisme avec des nécrochus qui viendront nous défendre le principe de la frontière, etc. etc. Je pense qu'on en voit déjà les prémices, parce que aujourd'hui, qui défend une certaine libre circulation? Ce sont des gens comme Macron ou Merkel. Bon. C'est pas innocent. Pas innocent. Ils défendent quelque chose. Bon. Qu'est-ce que vous voyez? Et vous les voyez se confronter à d'autres pays européens. Est-ce que les Polonais, par exemple, ou les Hongrois, se sont manifestés comme étant de fervents opposants à la libre circulation des Européens conventionnels, des Blancs, dans leur pays? Non, ils s'en foutent. Au contraire, ils sont contents. Il y a des gens qui viennent, qui apportent des devises. Ils sont contents. Bon. Donc, c'est bien la question de l'immigration qui pose problème. C'est-à-dire que c'est qui rentre et qui sort. C'est la qualité. C'est la qualité des gens qui circulent, qui intéressent les Polonais, les Hongrois, peut-être les Roumains, ou d'autres nationalités. Les Français, ils disent, les Français, les Belges, les Allemands, etc., ils disent, non, la qualité, ça compte pas. Faut pas s'intéresser à la qualité, c'est une discrimination. Ben, tout le monde, il est le bienvenu. Hein. Bref, comme dans l'auberge espagnole française, tout le monde est le bienvenu. Et on voit que les tensions montent à ce niveau-là. C'est-à-dire que les Polonais n'ont pas de problème avec les Français de souche, ils ont un problème avec les nouveaux Français, peut-être. Et là, moi, je pense que vis-à-vis de la liberté de circulation, la France est peut-être, visiblement, si j'en crois le Quai d'Orsay, très soucieuse d'empêcher des gens qui font des blagues sur les milliards de juifs gazés par Adolf Hitler, donc avec du bégon plus. En revanche, les Français sont un peu, enfin le Quai d'Orsay est un peu moins regardant sur qui vient poser ses valises puantes, voir son vomi sur les trottoirs de Paris. Mais je pense que le Quai d'Orsay va pas tarder à vouloir imposer ses nouveaux Français en Europe de l'Est, n'est-ce pas? Comme une espèce de cinquième colonne. Parce que les Français sont victimes de l'immigration, mais il se pourrait que bientôt ce soit des pays comme la Pologne ou les pays baltes qui soient victimes de l'immigration française, entre guillemets. Ouais, bien compris. Des victimes de la... Oui, de la puissance francophone sous tutelle de Paris et des juifs, accessoirement. C'est ça, voilà. Et donc, il y aurait une forme de nouvelle circulation qui commencerait au Congo et qui se terminerait à, peut-être, je sais pas, à Riga. Donc, voilà. Donc, c'est des supputations que je fais. Mais c'est pour vous dire qu'on va vers quelque chose d'un peu bizarre. Et je ne suis pas certain, si vous voulez, que les peuples de l'Europe de l'Est soient absolument clients. Bon, j'en sais rien. Après tout, la propagande cosmopolite est mort un peu partout. Voilà, donc... Oui, enfin bon, les pays de l'Est, quand même, au niveau de l'Union Européenne, ce sont des gens qui reçoivent du fric. C'est ça. Et voilà, donc, on les tient par là. Ah oui, tu as des pays qui filent des ronds, et tu as un autre qui reçoivent. C'est ça. Et au bout d'un moment, ceux qui donnent des ronds, qui ont tendance à avoir des nez un peu, vont dire « Oui, vous prenez des ronds, mais prenez aussi des nègres. » Voilà, vous prenez nos euros, il va falloir commencer à prendre nos pépites. Et oui. Et voilà, messieurs. Bref, discussion qui reste ouverte. McDavid est là ? Oui, je suis là, je t'écoute avec intérêt. C'est pour savoir si j'enchaîne sur Wes Watson ou bien si Non, moi ça me fait penser à un historien belge qui s'appelle David Engels, je crois, donc juif très certainement, mais son patronyme, qui avait écrit un livre et qui lui prédisait, c'était un spécialiste de la République romaine, et qui voyait un durcissement inéluctable de l'Europe qui correspondait au passage de la République à l'Empire. Et c'est intéressant parce que officiellement, il n'y a pas eu de passage de la République à l'Empire, puisque l'empereur Auguste, il a assis son pouvoir personnel en restaurant symboliquement la République et en offrant aux sénateurs romains des attributs qui sont purement honorifiques mais qui n'ont aucune valeur dans le droit réel. Et je vois également un parallèle parce que les politiques en fait n'ont pas vraiment de pouvoir. Faut être honnête. Quand tu veux dire les élus politiques, genre les députés, les trucs comme ça, quoi. Oui, enfin les députés, mais même au niveau exécutif, au niveau de l'exécutif français, il y a de moins en moins de pouvoir. Le pouvoir ne se détient plus à ce niveau. Mais moins il y a de pouvoir et plus on te parle de démocratie. Donc j'y voyais un parallèle assez intéressant. Mais après, moi, je t'ai écouté avec beaucoup d'intérêt parce que bon, effectivement, on sent le pouvoir se durcir. Surtout ici, quoi. Je veux dire, on est quand même au courant. On est parmi les premiers concernés. Mais ça va peut-être plus vite que je ne pensais. Tu vois, je pensais qu'ils allaient quand même attendre un petit peu avant de nous distribuer des interdictions de territoire. Bon, pour l'instant, on n'est pas encore totalement dans l'exil, quoi. On n'est pas encore totalement dans l'interdiction de territoire pour les nationaux, tu veux dire on n'est pas encore totalement dans le bannissement, c'est ce que tu veux dire. Oui, c'est ça, exactement. Pas totalement. Oui, on n'y est pas encore. Oui, on n'a pas encore ce type de mesure, mais la tentation, elle va être forte. Donc, je pense que ça devrait pas tarder. Bon, toujours sous réserve que rien ne se passe, mais là... Oui, alors, ça va être marrant parce que, je sais pas si tu te souviens, quand on parlait de bannir, enfin, d'exclure du territoire les nationaux français, enfin non, plutôt de les déchoir de leur nationalité, c'était ça exact le terme. Oui, c'est une discussion qui a eu lieu, oui. Tous les gauchistes étaient en mode, on ne peut pas faire ça parce qu'on ne peut pas créer d'apatride. Oui, ce qui n'est pas le cas, parce qu'ils ont la double nationalité à chaque fois. Donc, Exactement. Généralement par le droit du sang, d'ailleurs. En Algérie, ça marche comme ça. Hein. Et là, par contre, je pense que pour les nationalistes européens, on pourra le faire sans aucun problème. Bien Les sûr, non, gens mais ça pourront n'a rien à pas. voir, c'est des nazis. Ah, bien sûr. Non, mais c'est ça, non, mais c'est ça qui est génial. C'est qu'en fait, en fait, on est en pleine période c'est mon sentiment, on est en pleine période de fanatisme religieux. Et en fait, à partir du moment où vous avez violé un tabou religieux de l'époque, en fait, vous sortez de l'humanité et tout est permis. Donc c'est pour ça que je trouve que ces gens sont une parfaite hypocrisie. Enfin, tous ceux qui gouvernent actuellement, ou qui sont censés représenter des autorités morales, ces gens, je vous explique, hein, je veux dire, comment, quoi, repousser un nègre puant à 5 km des côtes de l'Italie, après être monté comme un imbécile sur un canot de sauvetage, bref. Non, non, non, non, non, non, oh là là, on peut pas le repousser dans les eaux territoriales libyennes pour le ramener en Libye. Non, non, non, il faut absolument le faire traverser 350 km pour l'amener en Italie, c'est l'évidence. Voilà. Bon. Voilà. Par contre, il va sans dire qu'un Européen européen, fier d'être européen, est éligible au bannissement, si possible, dans un trou pourri où il mourra des pires maladies. J'ai presque envie de dire, ça tombe sous la logique des droits de l'homme. Hein, les droits de l'homme bien Mais compris, c'est ça. fait-on partie de l'humanité? Ah ben non! Est-ce que. Mais, parce que moi, je sens un truc aussi venir gros comme une maison avec la cause animaliste. C'est Ah oui. que. Il est possible que certains êtres humains se fassent déchoir dans leur statut d'être humain. Mais Je. on peut diluer, en tout cas, on peut diluer. Oui, disons que. Tu vois, vu qu'on vit dans un monde où on a parfois tendance à traiter les hommes comme des animaux, et le parallèle, c'est qu'on traite aussi les animaux comme des hommes. Hein, et je pense pas que les droits de l'homme soient applicables aux gens qui sortent de l'humanité, comme dirait la grande négresse là qu'on met dans le teaser de l'émission. Bah, c'est tout le propos de, comment dirais-je, de... Oui, c'est tout le propos de Carl Schmitt. C'est ce qu'a démontré Carl Schmitt. Il a démontré... Alors, je vais pas faire des choses qu'il n'a pas dites, mais Carl Schmitt a démontré la profonde hypocrisie, j'ai envie de dire, de la moralité religieuse démocratique. Hein. Qui c'est ce qui ce dont on vient de parler, c'est ce que Carl Schmitt a parfaitement décrit dans ses ouvrages, hein. Donc c'est-à-dire que le besoin pour les démocraties qui sont quand même des démocraties, c'est pour ça que c'est un on peut pas comprendre la démocratie si on voit pas en fait ses racines, entre guillemets. Il y a des gens qui vont hurler parce que j'allais dire les racines juives de la démocratie, les gens vont dire mais comment, quoi, la démocratie c'est la démocratie d'Athènes. Oui, mais la démocratie contemporaine n'est pas la démocratie d'Athènes. D'ailleurs, elle n'a rien à voir, ni de près ni de loin. Donc, la démocratie contemporaine, telle que les gens la comprennent, est une démocratie juive. C'est hébraïque. C'est un système hébraïque. Et comment dirais-je, le fanatisme et la classification entre humanité et inhumanité, entre le pur et l'impur, vraiment, c'est parfaitement sémitique. Et comme le décrit très bien Carl Schmitt, une fois que vous êtes, si vous voulez, une fois que vous êtes excommunié, laïquement, c'est fini. On peut vous infliger n'importe quel traitement. N'est-ce pas? Et voilà, et on va vers ça. On va vers une radicalisation de ce phénomène-là. Et si vous voulez, parce que ça c'est quelque chose qui est très intéressant, tout à fait frappant. La démocratie occidentale s'édifie contre le barbare. D'accord? Vous avez cette dichotomie entre l'intérieur et l'extérieur. C'est important. Donc la notion de frontière, quand même, intéressant. Or, la nouvelle forme de démocratie juive, avec ce monothéisme cosmopolite, prétend abolir la notion de frontière. Et la nouvelle frontière à combattre n'est plus une frontière tournée vers l'extérieur, comme le limès romain, par exemple, c'est une frontière tournée vers l'intérieur. C'est normal, le pouvoir est entre les mains du juif, qui est l'étranger. C'est l'étranger qui se prétend autochtone. Donc, toutes les mesures de politique publique et les mesures de défense ne sont plus prises contre l'extérieur, mais contre l'intérieur. Et donc, qui est le nouveau barbare à éradiquer? C'est l'autochtone, c'est le blanc. si vous lisez la presse de gauche, la presse progressiste, la presse juive occidentale, vous êtes frappé de voir à quel point l'homme blanc est assimilé aux barbares. Exactement. C'est tout à fait ça. Ah ouais. Et on pourrait même dire, en écoutant ce que tu dis, à juste titre, que finalement, la nouvelle religion, les juifs, ont retourné la situation. L'Europe est devenue Auschwitz, les juifs sont aux frontières, mais sont dans les miradors. Tout à fait, ouais. Le fait d'en appeler à la défense de la civilisation contre les barbares, c'est, on a déjà vu ça à une certaine époque. Rappelez-vous, hein, je crois que c'était le premier ministre de avant Churchill, là, comme ça s'appelait, Chamberlain, qui disait que les alliés avaient pour qui étaient les gardiens de la civilisation, avaient pour devoir de lutter contre la barbarie. Donc c'est toujours un petit peu les mêmes choses. Hein. Il y a les blancs qui veulent se révolter et les autres qui veulent pas. Bah oui. Oui, tout à fait. Mais oui, c'est vrai que, enfin, le rôle du politique là, comme dit Carl Schmitt, c'est de désigner l'ennemi extérieur pour souder la communauté à l'intérieur. Et là, en fait, c'est totalement l'inverse. C'est-à-dire que le rôle du politique, c'est de désigner un ennemi intérieur pour agréger l'extérieur. C'est exactement ça. Une forme de renversement. Il y a un type qui l'explique très bien, ça, et qui justement reprend Carl Schmitt. C'est un Suisse, comment il s'appelle, Werner, Eric Werner, dans un bouquin qui s'appelle L'avant-guerre civile. Il explique ça parfaitement bien. Ah bah, c'est un livre qui a 20 ans. Ah bah, un visionnaire alors. Nous y sommes. Hein. Donc, et fatalement, le barbare doit être, pardonnez-moi la tautologie, barbarisé. Donc il faut qu'on lui prête des attributs particulièrement effrayants, un caractère de sauvage, d'irrationalité, de violence, d'inaccessible à l'intelligence ou à la sophistication, évidemment inaccessibilité à l'art. Donc en fait, vous découvrez progressivement que le blanc n'a pas d'histoire, ou que le peu d'histoire que le blanc aurait, ou de culture blanche, il l'a volé. Il l'a volé, ou alors, en l'occurrence, le blanc, hein, le français, il a été libéré de la barbarie par les gardiens de la civilisation. Voilà, les nègres. C'est... Emmanuel Macron l'a rappelé. Hein, et voilà, il a dit, c'est-à-dire que c'est l'ex. On tourne en rond, quoi. Ouais, on les est sur la logique de frontière. Le débarquement, c'est quoi? C'est violer une frontière, un débarquement, hein, ne l'oubliez pas. Et il dit, voilà, en fait, donc la France est libérée par l'invasion extérieure. Donc c'est l'extérieur qui nous libère de l'intérieur. Donc ça rejoint ce que tu disais, MacDav, hein, et ce que disait donc cet auteur suisse que tu as cité, Werner. Donc c'est vraiment ça, hein. C'est-à-dire que c'est l'ennemi n'est plus extérieur. Il y a un retournement, avec le débarquement de Normandie, j'ai presque envie de dire, débarquement de Provence, de Normandie, mais l'invasion alliée, et l'invasion cosmopolite, anglo-saxonne et juive, surtout juive d'ailleurs, la frontière a un effet inverse. Son objectif n'est plus de défendre vis-à-vis de l'extérieur, son objectif est de défendre vis-à-vis de l'intérieur et de la possible insurrection de l'autochtone. Et l'autochtone est suspect par principe. Et quand vous comprenez ça, vous comprenez pourquoi les flics regardent les blancs avec un tel œil. Pourquoi le fisc est particulièrement agressif avec les blancs et pas avec les autres. Vous comprenez? Et là, vous comprenez la discrimination positive. Bah oui, bien sûr. Ça n'a jamais été les mecs de l'extérieur le problème. Le problème aujourd'hui, dans un système juif, c'est les mecs de l'intérieur, c'est les mecs de là, c'est les mecs qui n'ont jamais été que de là. Et c'est tout le problème avec eux, ils ne sont que de là. Voilà. Donc, voilà. Quand vous avez pigé ça, vous êtes tout pigé. Bon, je vous dis à la semaine prochaine, les gars. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, les amis.